Wesh ma girl. Nom de Dieu. Super Radio Bros. C'est un dimanche sur deux à 11h sur Twitch. Ah, t'as vu? Très très content, j'adore. Le podcast du jeu vidéo avec des bros. Pendant 1h30 et en replay sur YouTube, Spotify et tout ça, toi-même tu sais. Et salut à tous, il se marre déjà, il y en a déjà un qui se marre, c'est normal. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, quasiment quatrième saison de Super Radio Bros, nouvelle émission. On va se retrouver toutes les deux semaines, le dimanche à 11h, pour parler jeux vidéo, rétro gaming, écouter de la musique, discuter entre potes, apprendre des trucs en s'amusant, le tout avec des invités, des fois des chroniqueurs toujours, et avec vous sur le chat. Bonjour à tous, salut LSPNK qui s'est abonné hier, merci à tous les nouveaux abonnements, Romery, Simanishiki, Yumishki, oh là là, Yumish, ouais, bon, ouais, changez de pseudo ça. La prochaine fois. C'est le mec qui a roulé sa tête sur le clavier. Ouais, changez de pseudo quand vous vous abonnez, parce que là, c'est pas possible. Merci à tous ceux qui sont abonnés depuis hier. Je vais vous présenter l'équipe dans quelques instants, les chroniqueurs évidemment. Bonjour Twitch pour ceux qui sont là en direct, bonjour YouTube pour ceux qui regarderont en différé, bonjour les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Google, Amazon, on va être un petit peu partout pour les gens du futur qui vont écouter l'émission. Je vais vous présenter l'équipe et tout d'abord, je vous invite à vous abonner, à liker, à activer la cloche, faire toutes les choses habituelles hein, qui permettront de partager le retour de cette émission. Et oui, car c'est un retour. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, cette émission est en quelque sorte la quatrième saison de Game Trip FM. Plus de 2 ans après la fin, puisqu'on a stoppé à cause d'un petit truc qui s'appelait le Covid. Jamais entendu parler. Oui, bah, on s'en rappelle, des dernières émissions, on n'était plus que deux. On avait d'ailleurs tenté l'expérience à Twitch après, avec Coup d'œil dans le rétro, une autre émission que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de GameTrip.net pour voir à quel point c'était court, mais intense. Nouvelle émission donc, avec pas mal de changements, vous allez le voir. On est sur une nouvelle chaîne, ma chaîne perso JV, sur Twitch et sur YouTube. On va pas se cantonner au rétro gaming cette fois, on va parler de tout. Il va aussi y avoir des nouvelles chroniques au fur et à mesure et des nouveaux invités. On est dans une nouvelle pièce aussi, comme vous pouvez le voir. Et par contre, quelque chose qui ne change pas malgré leur contrat faramineux, un salaire qui défie toute concurrence. Ils sont de retour, ils sont beaux, ils sont gros même pour certains. Ils sont les anciens chroniqueurs de Game Trip. Et surtout, ce sont les bros, parce que vous êtes sur Super Radio Bros, la radio qui parle jeux vidéo avec des bros. Et j'avais envie de refaire les présentations comme à l'époque. Alors c'est parti, à ma droite, bon du coup c'est mort. À ma droite, c'est la caution jeux mobile et Pokémon de l'émission. Ceux qui ont fait le plus kawaii des chroniqueurs, des fois ils racontent des trucs intéressants, des fois pas. Mais depuis 2 ans, il a peut-être enfin appris à agrafer ses feuilles pour pas se perdre dans ses notes, c'est Yako. Salut Yako. Bonjour à tous, alors juste un petit coucou à mon petit garçon Léoric qui regarde, salut mon grand. Salut. Je fais des bisous. Salut Léoric. Léoric comme le roi du Conduras dans Diablo 3. Exactement. Posez pas de questions, c'est le seul qui regarde okay. D'ailleurs. Donc c'est pas un ukrainien alors. On est 7 actuellement. Alors oui, effectivement, je n'agrafe plus mes feuilles parce que comme on est en 2023, j'ai fait ça sur mon téléphone. J'ai vu ça et fini la recette du tagine. Je suis très fier de toi. Merci beaucoup en tout cas. À mon extrême droite, sans jeu de mots, c'est la caution. Mais je comprends mieux le. Voilà. Je vous ai placé à des ans. C'est la caution Meport et e-sport de l'émission. C'est le Némésis de Superman. Dans le milieu, on l'appelle l'ange de la mort, Codename 47, Pierluigi Collina ou tout simplement gros faisant. C'est G. Salut G. Salut. Du coup, moi, je peux pas passer de bonjour à mon enfant ou alors un illégitime, je ne sais pas. Voilà. À tous les illégitimes. C'est ton jamais. Mes enfants. C'est, voilà. Au cas où. Et enfin, à mon extrême gauche, avec un jeu de mots cette fois, c'est la caution anecdote sur le rétro gaming que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître. Il est musicien, musicologue et collectionneur, ce qui explique pourquoi il est payé 3 fois plus que les autres, donc 3 fois rien. Salut Jack. Non, je suis payé avec la moyenne des musiciens actuels, donc ça va 3€ oui, voilà. Et en général une un canette. Ouais. Voilà, donc merci à tous. Moi, je salue les gens qui regarderont l'émission dans le futur, dans une capsule temporelle. C'est vrai. Et donc j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Il faut penser à eux aussi parce que c'est nos principaux auditeurs, hein, ceux qui sont là dans le futur. Donc si vous aimez bien mes anecdotes, c'est le temps d'aller voir un proctologue par contre. Messieurs, je suis ravi, honoré, presque ému même, j'en ai pleuré toute la nuit, c'est faux, de vous revoir tous ici dans cette gaming room face à tous ces gens qui vont nous écouter et qui pourront réagir dans le chat. D'ailleurs, on est très nombreux déjà maintenant, on est 7, c'est très nombreux par rapport à avant où on était 2. On a triplé quand même. Voilà. Ouais, les gars. Mais tu ne t'es pas présenté, JV. Tout le monde te connaît déjà. Tout le monde me connaît, je suis l'idole des jeunes, tout le monde le sait. Mais n'hésitez pas évidemment aussi à lire, à réagir dans le chat en même temps qu'on débat. Au sommaire cette semaine, on va commencer avec les coups de cœur et les coups de gueule pour se mettre en jambe dans 2 minutes. Dans 10 minutes, on va balayer l'actu avec le retour de Psartek ou Balek. La chronique préférée de Jack. Vers 11h40, la chronique True Story de Yako. Vers midi, le Café 80 pour parler des Holdies. Et surtout, le retour des gros beats à midi et quart. Voilà. Grand classique. Chacun qu'est-ce a sa gagne ou qu'est-ce qu'on perd? Parce que l'année dernière, justement, j'ai payé un tacos. Et ben voilà, tacos. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il fallait décider. On a fini par le faire d'ailleurs, ce tacos. Décider sur le chat à la limite. Hein. Peut-être que les auditeurs savent, on va les manger. Il était pas là au tacos, lui? Exactement. Il était là au tacos. Il était je sais là. Plus. Ouais, c'est le tacos. Ouais, je me souviens plus. En tout cas, si vous avez une idée de ce qu'on va, parce qu'à la fin, vous allez voir, hein, on va faire pendant toute la saison des jeux, et celui qui va perdre va devoir payer au reste de la rédac. Ouais, pour l'instant, je suis un peu l'Allemagne. Hein. Je gagne à la fin. Tu gagnes la fin. Non, mais c'est ça, c'est parce qu'à chaque fois, je rajoute 10 ou 20 points. Ouais, oui, mais après, ça peut pas le dire. Ça. Après ça, je la joue à la Deschamps. Même si j'aime pas ça, je la joue à la Deschamps. Peu importe la manière. La chatte à Dédé, quoi. Voilà. C'était les favoris de toute façon. Oui, non, mais bien sûr. Tout va bien, vous êtes content de revenir? Bah oui, ouais. Ouais, bon. Bah surtout content d'avoir été à l'heure pour la première. Alors, oui. On a dit qu'on arrêtait les âneries cette année, qu'on venait vraiment à l'heure, ouais, alors, juste avec un quart d'heure d'entrée. On était à 10h02 pétante hein, pour tout préparer et tout. C'est ça, ouais. Donc pour l'anecdote, pour les offs, hein, évidemment, je leur ai dit, comme c'est la première de la saison, on va essayer d'être un petit peu en avance cette fois. Donc arriver voilà, une demi-heure avant le live. Bon, ils sont arrivés 10 minutes avant, c'est pas grave. 10h30, on était en train de récupérer un micro. Non, mais moi, c'est vrai qu'en même temps, oui, il manque. En vrai, un je micro. Me pointe, il est quoi, il est 10h45. Tu pensais être le dernier? Défoncé, je suis le dernier, là, je suis le premier, j'ai dit, bah, ça va. Donc forcément, voilà, comme vous pouvez le remarquer, toujours autant de professionnalisme dans cette émission. Vous allez le voir au fil de la saison, ça va être de mieux en mieux. On va commencer donc tout de suite avec la première partie de cette émission, les coups de gueule et les coups de cœur. Et bah, pour l'occasion, on va relancer tous ces jingles. Oh, c'est de l'ancien temps. Jingle du passé. Les coups de cœur et les coups de gueule. Voilà, oh, j'adore ces trucs. On va donc, on va rappeler un petit peu ce que c'est les coups de gueule et les coups de gueule encore. Les coups de gueule. Les coups de gueule. C'est un mot, tu dis les deux. Voilà, c'est marque de pneus. Hein. Les coups de gueule. Les coups de gueule. Alors. On le rappelle, hein, bon, c'est pas très compliqué à comprendre, mais du coup, chacun, on va faire notre petit tour de table de l'actualité. Toutes les deux semaines, on va parler de l'actualité, évidemment. On va faire notre petit tour de table sur ce qui nous a marqué ces 15 derniers jours. Et on va commencer par Jay, qui est au taquet. Ah, je suis et non pas au tacos. Alors, pas encore, mais bientôt, ça c'est dans quelques mois. Voilà. Ok, au taquet, très bien. Du coup, une fois n'est pas coustume. On l'a fait à chaque fois. Jeux de mots et tout. Oh là là, Floralis. Je vais faire un coup de cœur, parce que je suis plutôt adepte des coups de gueule et tout ça. Donc, mais il y a un petit coup de gueule dedans quand même. Ah. Donc voilà, faut pas déconner. Mais du coup, mon coup de cœur, c'est que Diablo 4, qui est un des jeux que j'attends le plus en 2023. Ça a été, on va dire que ça a été confirmé. Alors il y aura toujours des faut prendre ça avec des pincettes, mais Diablo 4 ne devrait pas être un pay to win du tout. Ce qui est on a très très peur parce que on a eu très très peur parce que Diablo Immortal. Parce que Diablo Immortal en est clairement un. Ah, oui. J'ai adhéré au début de Diablo Immortal pour ceux qui ont joué ou pas. Et concrètement tout le leveling se fait sans enfin le leveling est très cool. Mais après pour espérer avoir du loot, pour espérer progresser et tout ça, c'est faut clairement mettre du pognon. Ouais. Après, je pense que Blizzard s'est basé sur la fanbase habituelle des jeux mobiles chers à Yako, qui sont des pigeons. Et ça a marché en plus. Hein, et ça a très bien marché. Ça a très bien marché. Et ça génère un pognon fou. Et en vrai, ils ont bien raison. Mais pour les joueurs effectivement plus, de l'ancienne époque de Diablo et tout ça, on n'a pas envie de mettre 50 balles par mois en plus pour espérer drop des items. Et drop des items, c'est vraiment le cœur de. Le cœur de Diablo en fait depuis le 2, le 1 c'était peut-être un peu plus limite, mais depuis le 2 et 3 en fait tu drops des dizaines d'items légendaires et tout ça, il y en a plein qui sont à chier mais en fait t'as le sentiment quand même de dropper quelque chose d'important, ouais. Tu fais ton tri après et en fait dans Diablo Immortal le souci c'est que ça n'était plus le cas à part si tu mettais du pognon. Et donc là Diablo 4 a priori ça ne sera pas le cas, il y a eu de nouveau donc j'en parle parce qu'il y a eu un live stream des devs entre Noël et Nouvel An et ils ont rassuré un peu tout le monde. Alors encore une fois il faut mettre des pincettes. Parce que Diablo Immortal au début c'était non, le modèle économique va être cool, et au final tout le monde s'est fait entuber. Mais là je pense que s'ils se plantent sur Diablo 4, ça sera vraiment ça sera un trop gros raz de marée pour qu'ils puissent l'encaisser. Là c'était un truc qui met que un jeu mobile, donc c'est moins grave. Mais voilà, donc ça c'est vraiment très très cool. Il y aura que du cosmétique qui sera au final dans les Battle Pass payants, donc on peut toujours chouiner là-dessus, mais c'est du cosmétique, on s'en fout, c'est le modèle. Obligé. Le modèle économique de tous les jeux actuels. Dans ce cas-là, il faudrait aussi râler sur League of Legends et compagnie. Quoi. Mais on râle aussi dessus, t'inquiète pas. Oui, voilà. Et du coup, le mini coup de gueule, vite fait, une petite inception de coup de gueule. Ah, t'as fait deux, toi. Ouais, non, c'est un mini, c'est juste parce que j'en ai marre en fait de. T'es un mec comme ça. J'en ai marre de voir râler. Mais vos gueules, putain. Après, je vais pas. Après, on a déjà fait dépasser les deux minutes après là. Et du coup, ouais, non, c'est juste parce que je vois énormément de gens râler par rapport à oui, la collector de Diablo 4, il y a même pas le jeu dedans et tout. Mais encore une fois, c'est que du cosmétique. C'est physique, mais c'est du. C'est pas obligatoire. C'est des objets de déco en fait. Juste les achetez pas. Ok, ça coûte 130 balles. Très bien, il y a pas le jeu dedans. Mais les achetez pas. Enfin, désolé, faites pas chier, mais si ça vous intéresse pas, si vous voulez que le jeu, vous prenez le jeu normal à 70 balles et terminé, on en parle plus. Merci, au revoir, quoi. Dans le chat, on me dit Diablo 4 Day One Game Pass, non? Si t'as le Game Pass, si tu prends la version la plus élevée qui est à 100 balles. Quasi 90, je crois. Mm. T'auras le Game Pass de la saison 1 qui sera dedans. Mais voilà, donc c'était pour revenir sur ça. Je trouve ça plutôt cool et j'ai très très envie de jouer. Tu commences bien l'année avec un coup de cœur. Et combien t'as mis alors dans Diablo Immortal juste pour le fun? Ah, moi, non, j'ai mis 5 balles moi. Ah, j'ai mis 5 balles pour. Je connais des gens qui ont mis jusqu'à 4500 euros. Ah oui, je ne sais pas. Pour être level max, ouais. Non, j'ai clairement. Non, bon, tant pis. Salut Jamet dans le chat aussi. Ça s'est revendu. 1500 euros il a revendu après. Oui, enfin bon, il a quand même perdu 3000 balles dans l'affaire, quoi. Ah, bah écoute, il peut se le permettre. Ouais, le Game Pass Xbox. Bah oui, en plus, avec le rachat, on en parlera tout à l'heure, le rachat Microsoft Activision Blizzard dans le Game Pass, forcément. Qui n'est pas acté encore. Hein. Qui n'est pas acté, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Ça spoil déjà très bien. Spoil déjà. Du coup, c'est tout pour moi. Ok. Enchaînement parfait, puisque mon coup de gueule, c'est sur un jeu mobile, puisqu'il m'a paraît que j'ai été attribué à un jeu mobile. Bah, c'est Diablo Immortal. Oh, incroyable. Mais on va pas parler des deux dernières semaines. On te fait que ça, de parler que des Diablo, là. Non, bah, j'ai c'est une émission spéciale Diablo. Mais en gros, Diablo Immortal, je l'ai désinstallé. Enfin, j'ai quand même fait le niveau max histoire de dire que j'ai joué un peu, quoi, tu vois. Et puis, je l'ai enlevé. Hein. Je vais pas répéter ce que Jay vient de dire, mais non, moi, je paye pas pour avoir du loot. Je joue à Diablo depuis Diablo 1. J'ai jamais payé pour avoir du loot, ni du Diablo 1, ni du Diablo 2, ni Diablo 3, avec le. Même avec l'hôtel des ventes et tout, j'ai jamais mis 1 euro de plus que ce que j'ai payé pour avoir le jeu. Là, le jeu, il est en free-to-play techniquement, je donne pas 1 euro, et du coup, ben, tu loutes rien, et du coup, ben, j'ai désinstallé. Donc, c'est bien d'avoir des principes. En tout cas. Les gars, non, ça va, c'est pas possible. Il joue à des jeux mobiles, après, il dit, oh, je paye pas. Je joue à des jeux mobiles, mais alors, soit je paye le jeu, parce que c'est un jeu que tu payes 3, 4, même 10 balles, et t'as le jeu complet. Oui, non, mais ça, c'est le problème qu'on a depuis des années, on l'a dit assez souvent dans l'émission. Soit tu payes pas le jeu, mais alors tu. Voilà, c'est. Ouais. J'insiste sur le fait que certains jeux mobiles peuvent être bons, mais c'est souvent des jeux payants. Donc, parce que développer un jeu, ça coûte des sous. Et si tu décides de faire un modèle économique type League of Legends où tu achètes des cosmétiques, où je trouve ça personnellement pas du tout déconnant, vraiment, je trouve. Bah, t'es pas obligé encore. Voilà, t'es pas obligé et tu vas être au même niveau que les autres si tu payes pas. Tu seras juste moins beau, moins swag. Mais en 2023, on dit swag, non hein. Bref. Après, être moins beau, allez, c'est parti. T'es habitué à être moins beau. Bref. Pardon ? T'es habitué à être moins beau, de toute façon, non ? Oui, c'est pas faux. Mais bref, dans tous les cas, voilà, c'était mon gros coup de gueule de 2022, parce que Diablo Immortal, je l'attendais, je me suis dit, ah là là, d'ailleurs, on avait évoqué ce truc-là dans une très très vieille émission d'il y a 3 ans, comme quand Blizzard cherchait des devs pour du mobile, on s'est dit, ah, peut-être qu'ils vont faire un Diablo, 2 ans après, Diablo il tombe et c'était pour moi inadmissible. Je ne vais pas aller plus loin parce que je suis déjà énervé. Non, j'ai transformé ça en énergie positive pour Diablo 4, tu vois. Vous voyez comme vous l'avez tout énervé avec vos jeux là. Les jeux mobiles c'est de la merde quand c'est payant. Ah bah voilà, ça y est, enfin on a réussi à le faire. On coupera le montage, on gardera juste les jeux mobiles c'est de la merde. Oui, voilà, merci. Tout le reste. Montage. Bah Jack, tu veux parler de Diablo non par hasard? Écoute, alors pour Diablo, je suis vraiment debout. Non, alors c'est rappelle-moi parce que tu sais comme je te disais, je suis spécialisé des vieux trucs. Oui. Je suis un peu Alzheimer, donc c'est bien sur 2022 qu'on doit faire un coup de cœur, un coup de. Non. Non, on fait ce qu'on veut. Sur les deux dernières semaines. Deux dernières semaines. Bon, ouais. Alors parfait, ça m'arrange. Alors moi j'aurais un petit coup de cœur comme pour le dernier leak de la Switch Zelda. J'ai plus le titre du jeu, mais un petit leak apparemment des entreprises chinoises qui ont été pris en photo. Tears of the Kingdom. Ouais voilà. Exactement. Je savais qu'il y a Kingdom, mais. Ouais. Et étonné que bon j'aime bien la licence Zelda. Et, bah là la console elle a l'air vraiment magnifique. Ou alors comme d'habitude c'est comme pour le pass de Diablo 4, là, en fait, le jeu ne sera certainement pas compris dans la console, ce qui est une nouvelle mode de ne pas comprendre les jeux avec les packs. Mais c'est une petite console OLED un peu sympa, et puis je trouve ça assez joli, voilà. Ouais, c'est ça, en fait, bah, c'est le même débat. C'est, si les gens ont envie de se faire plaisir parce que la console est belle et qu'il n'y a pas le jeu. Enfin, en fait. T'achètes ouais, la console, t'as c'est moralement discutable quand même. Oui, toi, console Splatoon 3, sans Splatoon 3, c'est. on est d'accord. Ça fait un peu. À une époque, tu vois, moi, dans une ancienne époque, t'avais les consoles avec deux manettes et deux jeux. Après, t'avais les consoles avec une manette et un jeu. Et après, t'avais les consoles sans jeu du tout. Maintenant, on a les consoles sans jeu, câble, sans console, sans câble, manette, sans console, sans couvercle. La prochaine étape, ça va être quoi de faire du. Ça va être de faire des consoles en carton soi-même, quoi. Exactement. Coder l'OS de ta console toi-même directement. C'est ça. Bah, ça existe. Justement, ça a commencé comme ça. Ça va être de nous faire payer du loot pour Diablo 4 dont on ne se servira même pas une game, quoi. C'est aberrant. Ça pourrait. Ok, bah bon, bah, d'accord. Alors, du coup, c'est un coup de gueule, encore une fois. Donc, du coup, moi, j'ai quoi ? J'ai un coup de cœur, un coup de. Allez, je vais faire un coup de cœur. Vous allez rigoler. On est des gens positifs. Ouais, c'est vrai. Pas Covid, mais. Ça, on l'a pas testé. J'allais faire une autre vanne, mais ça passerait pas sur Twitch. Police Simulator, qui fait partie des jeux promus de l'accès anticipé qui ont le plus marché. Petit Simulartung pour démarrer. Sur Steam. Ah, direct. Cette année sur Steam. Alors j'explique un peu le fonctionnement. Steam, ils font un palmarès de ses meilleurs jeux, mais en fait, c'est les meilleurs jeux en CA brut. Donc c'est ceux qui ont le plus fonctionné, qui ont été le plus rentables, quoi. Il y a trois catégories, platine, gold, argent. Et globalement, dans ces catégories, il y a des sous-catégories. Et il y a la catégorie des jeux sortis de l'accès anticipé. Et je suis content de voir plein de petits jeux simu comme ça. Il y a Police Simulator. Il y en a plein que j'aime bien qui se retrouvent là-dedans. Il y a Raft, qui est un jeu de survie où on est sur un radeau en plein milieu de la mer. Il y a Power Wash Simulator, qui est celui où on... Je l'ai fini. Il vient. Mais par contre, la dernière mission, tu mets genre vraiment 5 heures. Hein, oui, bah oui. C'est horrible. C'est le métro, la dernière mission ? Non. Non, pas du tout. Non, c'est une pyramide extraterrestre. Ah oui, ok. Ça part en couille. Ça spoil, et ça spoil. Et voilà. Oui, c'est incroyable. Le jeu n'est pas sorti il y a 20 ans, tu peux pas spoiler. Et moi, je suis content parce que les streamers, tout ça, ils en ont fait beaucoup. Il y a JDEJ et tout ça qui a fait Raft, Power Wash, il y a tout le monde qui l'a fait. Ils ont fait dans les streams du lundi. Ouais. Et donc, du coup, je pense qu'ils ont des beaux jours devant eux. Et c'est cool parce qu'enfin, des jeux. C'est un peu des simulartung, mais pas tous, mais c'est voilà. C'est pas mieux. Ouais, on va pas dire que c'est mieux, mais. Non, bah, en fait, c'est que Power Wash Simulator, en fait, t'as vraiment un truc, un effet satisfaisant. Oui, c'est satisfaisant. À nettoyer le truc. Enfin, ça oui. Mais simulateur de patrouille de flics, globalement. Ça n'a rien à voir. Je t'invite à revoir les lives. Power Wash Simulator est incroyable, dit Floralis dans le chat. Mais évidemment, mais bien sûr. Mais je suis d'accord. Enfin, incroyable, faut pas non plus déconner. Mais, si, c'est le meilleur de Diablo. C'est sympa. C'est sympa, voilà. Est-ce qu'il faut payer pour looter ? C'est sympa et tout, win. Est-ce qu'il faut payer pour looter ? Non, de toute façon, j'ai fait sur Game Pass, donc oui, j'ai payé dans un sens. Est-ce que Karcher est sponsor du jeu ? Il y a des lootbox. Mais allez vous faire foutre. On peut dire ça, on est bon. Oui, sur on a le droit de dire et ça. Ah oui, quand on est sur Twitch, il va falloir qu'on fasse attention à ce qu'on dit, parce que moi je dis des. On rappelle que JV n'est pas objectif concernant les jeux de simulation allemand. Oui. La simulation de tondeuse est sympa aussi. Merci. Tu as raison. Le Spoutnik, je vais t'appeler comme ça. Je sais pas c'est quoi, comment on prononce ton nom, mais je vais t'appeler comme ça. Donc Spunk. Le Spunk. La bise au Spunk. Juste au passage. Merci d'être là. C'est un ami à toi. Ouais. D'accord. Du coup, juste dommage. Du coup, je vais faire un coup de gueule dans le coup de cœur, dans le top des meilleurs chiffre d'affaires de l'année sur Steam, on retrouve la moitié, c'est des jeux services qui ont déjà quelques années comme PUBG, Destiny 2, Dota 2. Il y a quasi aucun jeu récent en fait dans le top des trucs les plus vendus sur Steam, les plus rentables sur Steam cette année. Il y a quasiment aucun jeu récent. Il y a Elden Ring et Lost Ark. Donc Lost Ark, c'était une déception aussi, mais bon. Aussi, voilà. C'est quoi, on va pas en reparler pour le coup. Non. Parce que du coup, il va être encore tout vénère là. Après, ça va être. Après, vous vous rendez pas compte, mais c'est nous. Après, quand on le rattrape derrière, après il pleure et tout. Maman. Enfin bon. Donc voilà, c'est bon. On a fait le petit tour de ces 15 derniers jours, plus un an à peu près. Et maintenant, on va pouvoir passer. Attention à la chronique préférée, à la partie préférée de Jack, parce qu'il ne comprend jamais comment ça fonctionne. C'est la chronique Psartek ou Balek. Psartek ou Balek. Nouveau format de Psartek ou Balek. Pourquoi ? Parce que Jack se perdait souvent. Il ne comprenait pas. Il y avait deux chroniques avant, Psartek ou Balek et le tout venant de l'actu. J'ai mélangé les deux. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, j'explique une bonne fois pour toutes. Et cette fois, j'ai clippé ça. C'est la dernière fois. Clipper ça pour que tout le monde s'en rappelle. C'est ce qu'on appelle un nivellement vers le bas. Voilà, exactement. Tu me fais un wiki pour la prochaine fois. Je te ferai un wiki pour la prochaine fois. En gros, je vais vous donner des infos. Des news qui sont tombées ces deux dernières semaines, évidemment. Si Psartek l'info, on en parle tous ensemble, on développe avec vous dans le chat ici. Attends, il faut qu'il y ait absolument les trois qui en aient quelque chose à foutre pour. Non, il faut qu'il y en ait au moins un qui dise. Comprend pas cette fois-ci. Ah, c'est non, Balek. Non, si on... Alors, je veux juste des précisions. Si on dit tous Balek, on gagne 15 minutes. Exactement. Ou alors on part manger, on part manger plus tôt. Et si Balek l'info, on jette directement à la poubelle sans même développer. C'est bon. C'est bon. C'est bon pour vous. Comme dire. C'est bon pour vous. Psartek, c'est quand c'est bien. Tout est clair pour vous. Ça Balek. Parle à certains. Balek, c'est le... au pire, c'est... Oui, voilà. Pas non, tu m'emmerdes, là. Alors, on va commencer avec le top des jeux PC, du coup, qui ont cartonné sur Steam, j'ai dit juste avant, avec quelques surprises, mais pas trop. Est-ce que vous voulez qu'on en parle ? Oui, moi, je suis chaud. Psartek, hein. Balek, pour moi. Ah, d'accord. Ouais, allez, peut, ça peut être intéressant. On va le faire vite fait. Alors, même Valve. Si on les connaît. Oui, oui, bof, oui, je viens de le dire. Mais Valve vient de dévoiler donc la liste des 100 meilleures ventes de l'année 2022 sur Steam. Alors, comme chaque année, ce palmarès donne non pas un classement, mais en fait 4 tiers, un tiers liste. Donc, avec gold, platine, je sais plus quoi, argent, machin. Dans le tiers 1 des plus rentables, on retrouve donc Dying Light 2, Modern Warfare 2, qui sont vraiment sortis cette année pour le coup. Destiny 2, Dota 2, donc c'est l'année des deux. Beaucoup de jeux live service qui datent un peu, Apex Legends, PUBG, CSGO, je l'ai dit tout à l'heure. Seule vraie nouveauté de l'année au presse, donc, c'est Lost Ark et Elden Ring qui accompagnent donc Modern Warfare 2. Pour savoir ce qui a vraiment marché cette année sur Steam, il faut donc se diriger plutôt sur les onglets comme les meilleures nouveautés en CA brut, donc en chiffre d'affaires, avec des jeux comme Stray, Star Wars The Skywalker... Le truc du chat, là. Le chat, ouais, le truc avec les chats. Star Wars The Skywalker Saga, Lego Star Wars, qui était le dernier Lego Star Wars, extrêmement bien d'ailleurs. FIFA 23, qui est le dernier jeu FIFA chez EA Sports, donc il faut en profiter. On peut aussi classer par jeu VR, jeu promu de l'accès anticipé, jeu populaire. De ce côté, bon, bah, pas trop de nouveautés non plus. Les jeux populaires, c'est les jeux qui ont dépassé les 240 000 joueurs en simultané. Donc dedans, on a encore une fois Apex, Destiny 2, Elden Ring, Lost Ark. Globalement, toujours les mêmes, sauf t'as pas Dying Light là-dedans justement. Non, il n'y a pas Dying Light. Ouais, voilà. C'est, ça, c'est celui-là qui est un peu un ovni dans le... dans le classement, dans les, dans, je crois qu'il était dans le top 5 justement des plus gros CA. Ou... Ouais, ouais, mais après. Et Dying Light, c'est quand il même a pas spécialement super... marché. Hein. Bah justement, c'est ça. Le 2. C'est que c'est super niche, peut-être, je sais pas, peut-être aux US. Et peut-être parce que ça coûte cher aussi d'acheter des trucs dedans. Non, Dying Light, c'est bien. Hein. C'est pas ça, mais c'est que du coup, par rapport à. Il est dans la même catégorie qu'Elden Ring. Ouais. Bah, après, c'est. Jamais de la vie, et du coup, tu compares les deux en fait. C'est parce que c'est, encore une fois, ils les classent dans un espèce de tiers avec où ils mettent 15 jeux dedans et tu peux pas savoir quel est le niveau de l'un par rapport à l'autre. En fait. Ah, ok. Donc si ça se peut, il est cinquième, mais avec. Dans le chat, ça crache un peu sur Dying Light 2. Là, ils disent que le premier. Il est clairement moins fun que le premier, dit Jamet. Ouais. Il parlait pas de Euro Truck Simulator. Non, Floris demande où est Euro Truck Simulator. Bah oui, on va pas en parler. Hein. Je suis extrêmement déçu de ne pas le voir là-dedans. Il y a un truc marrant, c'est qu'il y a Goose Duck. Qui est dans le classement des jeux qui sont les plus joués en simultané. C'est le truc avec le canard qui tue des gens là. Non, ça c'était Untilted Goose Game. Ah oui, d'accord. Ouais. Non, ça c'est un genre d'Among Us qui est gratuit, que j'ai découvert. Oh d'ailleurs, j'ai vu une version, c'est Among Us. Et du coup, est-ce qu'on peut faire ça sur Twitch ou on peut pas faire ça sur Twitch? Non, mais non, on s'en branle pas. C'est mon gars, c'est en fait tous les persos sont retravaillés et c'est juste des têtes de cul. Parfait. C'est très marrant. Et c'est sur Steam, hein, je crois, en plus. D'accord, bah c'est bien. Merci de tes belles recommandations. Mais de rien, à nos auditeurs. Donc voilà, donc ouais, pas de grosse surprise, quoi. C'est un petit peu décevant, j'ai envie de dire, le classement PC en ce moment. En même temps, il n'y a pas eu grand chose qui est sorti vraiment de ouf. Bah, Elden Ring quand même. Mais oui, mais c'est pas une exclu PC, quoi. Ah, Elden Ring, il y en a plein qui ont joué sur PC, sur Xbox notamment. Voilà. Bah, en même temps, des exclus PC, il y en a des masses. Hein. Enfin, ou des. Il y en a une, on en parlera tout à l'heure. Oui, bah oui, il y a un certain World of. Pas de nom, je ne dirai rien. Oui, Anora57 qui dit le roi Léoric fait également un coucou à son papa. Oh, bah voilà, c'est trop mignon, merci mon grand. Lequel des deux, celui qui a pas de cheveux ou... Oui, tu es le fils illégitime ou le. qui a pas de cheveux, du coup, c'est. Ouais. Floralis dit Instant Boy, merci de cette magnifique découverte pour Among Us, je suppose. Ah oui, oui. Bah oui, j'imagine. Ouais. Ou alors pour Goose Game, je sais pas. Voilà, donc du coup, petite déception, comme je disais tout à l'heure, pour nous, et puis, enfin pour moi en tout cas, et puis du coup, pas de grosses surprises sur ce classement. Autre news ces deux dernières semaines, le nouveau projet de Hideo Kojima qui était apparemment trop dingo, il est foufou. C'est pour ça qu'il est allé chez Microsoft, puisqu'on sait, Kojima c'est plutôt un. Un copain de Sony, de la PlayStation et tout, ouais, ça. Grave. Parle bien dans le micro, Jacques. Oui, c'est vrai. Donc voilà, ce qu'on fait de ta bouche. Pas trop. Sartek ou Balek de Balek. Balek. Kojima. Pas d'avis. Ah, je suis un boycott total de Kojima. On est d'accord que Kojima. Mais on s'entend bien sur plein de trucs. C'est marrant parce que Kojima, c'est vraiment. On s'entend bien sur plein de trucs en fait avec Akiyako. Mais Kojima, il est tellement surcoté, les gars. Oui, non, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de. Bah, ah bah oui. Non, bah on n'en parle pas. On n'en parle pas alors. D'accord. Non, stop. Kojima surcoté. Reste chez toi. Bon, en gros, hein, il est allé chez Microsoft parce que. On a dit qu'on s'en foutait, on veut pas en parler. Parce que ta c'était gueule. Trop dingo. Il a dit que c'était trop dingo. Non, moi ce qui me fait rire, c'est qu'il dit que le projet était trop fou pour PlayStation, c'est pour ça que j'étais chez Microsoft. Mais en fait, c'est peut-être juste parce que le projet était pas ouf. Et oui, Sony lui ont dit bah. Du coup, on en parle là. Non, on en parle pas. Ça me fait rire. The Last of Us serait le jeu avec la meilleure histoire de tout le jeu vidéo. C'est ce que affirme J'ai rigolé d'avance. C'est ce qu'affirme quelqu'un, je ne dis pas qui, il faut dire Psartek si vous voulez savoir. Ah, je suis curieux du coup, Psartek. Ah bah, il est bon en putaclic audio. Ouais. Il est bon en putaclic. C'est du putaclic audio. Bien sûr. Je pensais que c'était Tetris, moi, la meilleure histoire. Bah ouais. Craig Mazin, co-créateur et scénariste de la série HBO The Last of Us. Ah bah c'est étonnant qu'il dise ça. Incroyable. Il est super objectif en plus. S'il vous plaît. lors d'une interview donnée à Empire, notre homme a expliqué que le premier jeu de la licence possédait la meilleure histoire qu'on puisse raconter dans un jeu vidéo, dans une interview donc sur le site. Il dit, c'est la plus grande histoire jamais racontée dans les jeux vidéo, rien que ça. Les personnages n'ont rien de spécial, c'est donc pour ça, ils ne sont que des gens parmi d'autres, et cela en soi c'est remarquablement rare dans les jeux. C'est vrai que par exemple Lara Croft n'est pas du tout quelqu'un qui ne fait rien du tout de sa vie. Le fait qu'ils aient gardé le récit si ancré dans la réalité et qu'ils vous aient vraiment fait ressentir cela, je n'avais jamais rien vécu de tel et je joue à des jeux vidéo depuis 1977, dit-il. Ouh là là. Donc c'est-à-dire que quand il jouait à Arkanoid, il trouvait que c'était plus pourri quand même l'histoire d'Arkanoid. Ah non, Pitfall, il y avait Pitfall. Les extraterrestres et tout pour Extended Park Analyse. Des dires qui ont été forcément très critiqués, forcément. Ça permet de faire un peu de promo à la série HBO Max qui sortira le 15 janvier. Donc The Last of Us, meilleure histoire de l'univers, oui ou non? Je vous pose la question. Alors moi je vais avec le Spunk là-bas qui dit que c'est BioShock la meilleure histoire de l'univers, et oui, je suis d'accord avec lui, c'est vraiment un super jeu. Donc vu que j'ai pas fait The Last of Us, j'ai pas d'avis, mais moi c'est Monkey Island, mais ouais, d'accord. Pour ceux qui ont fait The Last of Us, vous pouvez nous donner vos avis sur le chat pour savoir si vous avez vraiment ceux qui ont fait The Last of Us, c'est les fans. Moi je l'ai fait boy il y a pas longtemps. Fangirl. Alors moi je l'ai acheté, il y a pas très longtemps et je l'ai fait. Et je l'ai toujours pas fait, mais on m'a fortement reconseillé de le faire. Alors c'est très très bien, mais je trouve je pense pas que scénaristiquement c'est ouf. Non, scénaristiquement c'est bien. C'est du niveau d'une production cinéma, voilà, mais je sais pas si on peut dire que, en tout cas moi elle m'a fait palpiter. Oui. Non mais c'est cette émission je m'exécute du chat, hein, je m'exécute. Qu'est-ce qu'il y a? Yako lui fait. Ah là, c'est pour toi. Ah d'accord. Okay. La meilleure histoire du jeu, c'est BioShock. Yako fait lui un bisou. D'accord, bah oui, non, je trouve que le scénario est incroyable, intéressant, incroyable. Il est bien fait. C'est vraiment une histoire qui est bien retranscrite dans le jeu et tout ça. Enfin, on passe un extrêmement bon moment. Après, de dire que c'est la meilleure histoire de l'histoire des jeux vidéo, non, je dis. Moi, par exemple, Monkey Island m'a beaucoup plus parlé et beaucoup plus fait voyager. Après, tout dépend de ce que tu recherches, comme d'habitude, dans un jeu vidéo. Est-ce que tu cherches à voyager? Est-ce que tu cherches à avoir des émotions? Est-ce que, comme Jay, tu cherches rien du tout? Moi, on cherche à DPS et à loot, quoi, en fait. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu ça. Après, il était gratuit sur Epic. Je sais pas, je suis en train de réfléchir. Pour moi, c'est quoi la meilleure histoire? Je sais pas, c'est dur, hein. Ouais, parce que tu vois, je veux pas faire le fanboy, mais dans World of Warcraft, c'est quand même un lore de ouf. Et en fait, il y a pas une histoire, il y en a 10 000. Si tu veux t'attacher à un personnage et connaître l'histoire de ce personnage, tu peux avoir des heures de lecture littéralement. Est-ce que du coup le scénario, c'est très compliqué en vrai. Après, c'est des questions de goût, hein, surtout. Ouais. Moi, je sais, en tout cas pour moi, je sais pas laquelle est la meilleure histoire des jeux vidéo, mais c'est sûrement pas The Last of Us en fait. Enfin, mais oui, c'est clair. Ah, d'accord. Merci. La complexification de vacher. Jamet dit c'est une super histoire, c'est bien écrit. Après, peut-être pas la meilleure non plus. Blacktail aussi, c'est bien l'histoire. Spec Ops The Line par exemple, c'était ouf, dit Jamet. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Dans ce cas, moi je peux aller sur Opération Flashpoint, une super histoire. Il y a aussi tous les jeux contextuels là, tu sais, comment ça s'appelle la Quantum Dream. En plus, c'est réaliste. Tu sais, Detroit Beyond Humans, ah oui, tout ça. Alors tous là, les Quantic Dream. C'est vrai, pour moi, Detroit est un jeu magnifique. C'est, tu vois, donc, difficile à dire. Bref. Ouais, bref. Detroit, on a dit qu'on parlait peu de Diablo. Hein. Non. Mais faut qu'on y joue. On y a parlé avec Jamet il y a quelques jours. Là, faut qu'on refasse tous les Diablo. Tant de jeux et si peu de temps. Exactement. Eye on Life. Immortal sur mobile. Non, pas celui-là. Eye on Life, un jeu complètement taré qui fait un carton sur l'Xbox Game Pass avec des records qui ont sauté sur Xbox. Est-ce qu'on en parle, Psartek ou Balek? Moi perso Balek. Ouais, Balek. Psartek, ça m'intéresse toujours les statistiques. Voilà, Jack, de toute façon. Non, on va le faire très vite alors. Il est trop gentil. C'est toujours à l'extrême des autres. Tu le connais? C'est un petit jeu, c'est un FPS qui a été fait par les créateurs de Rick et Morty. Oh nice. Et du coup, c'est un truc complètement taré où en gros, il y a des extraterrestres qui arrivent sur la planète et c'est des armes qui parlent. Donc à chaque fois que tu tires, il te dit des trucs. Il te parle vraiment. Bon, écoute, pourquoi pas. C'est juste chiant parce qu'il te parle tout le temps. Comme dans Rick and Morty quoi. Ouais, voilà. Donc, et du coup, ça a cartonné puisque ça a été le meilleur lancement ever, je crois, sur la. sur le Xbox Game Pass. Non, depuis en 2022, ça a été le meilleur lancement sur le Game Pass. Le jeu le plus vendu aussi de l'histoire du service pour un studio tiers, puisque c'est un petit studio qui a fait ça, un petit truc indépendant. Et donc, du coup, voilà, Microsoft, c'est comme d'habitude, frotter les mains sans jamais, comme d'habitude chez Microsoft, donner un chiffre de vente. Donc, on ne sait pas ce que ça veut dire, un carton extrême, mais enfin, en tout cas, c'est un carton disponible sur Xbox One, Series et PC, voilà. Moi j'aime toujours les histoires d'outsiders qui arrivent à faire quelque chose, ouais, qui marche. En fait, on parlait du PC, des trucs qui rien n'était sorti, bah, c'est peut-être aussi le problème, quoi. Comme le PSG un peu. Ouais. Allez. Moi, je m'arrête là alors. C'est gratuit ça. Le Spunk qui dit le gros point noir de High on Life, c'est qu'il ne propose pas de VF audio. Bah ouais, mais en même temps, c'est en général, tu vois, par exemple Rick et Morty, tu. Ouais, ouais, non, peut-être pas. Réo, c'est quand même plus sympa. Ouais. Mais par exemple, moi, il y a plein de trucs avec un humour comme ça que je préfère regarder en VF. En ah, VO, non, alors... Ouais, après, typiquement, genre South Park, même en FR, c'est trop bien, tu vois. Non, bah, ouais, ouais. Mais alors on peut parler des Simpsons, de South Park et de Rick et Morty. Les VF, elles sont ouf. En oui, plus, voilà. Y a toujours des guests de malades. En fait, ça aurait été bien s'il y avait la vraie VF de Rick et Morty. C'est plutôt ouais, ça, ouais, je pense que tu veux ouais, dire. Peut-être ce serait bien. Du ouais. coup, point FS comme ça, c'est relou de lire et de shooter. Bah oui, oui, c'est ce que les gens disent. Après, en si ça fonctionne, c'est pas exclu qu'ils le fassent ouais. un jour. Hein. Oui, bien sûr. Je pense que le studio a dit qu'ils allaient faire plein de développement et d'updates. Les droits de doublage et tout qui vont limite valoir autant que le jeu. Puis ouais, au final, ouais, le jeu, c'est un petit oui, truc à la base. Ça coûte cher d'avoir les vrais doubleurs aussi. Donc. Alors, découvrez les personnages de jeux vidéo les plus recherchés sur Pornhub. Et là, pour le coup, il y a des trucs très étranges dedans. Ah bah non, mais là, c'est direct, là. Direct, là. Ouais. J'ai même pas besoin de poser la question. Ce classement, ça, il y a des gros dégâts là. Est-ce qu'on va pas se faire striker par les moins de 12 ans là. Non, mais on va pas mettre d'image, hein, d'accord, d'accord. Chaque année, donc, le géant de la pornographie, Pornhub, qui fait des tendances de son moteur de recherche interne, donc savoir ce que les gens ont tapé pour trouver du prompt. Parce qu'on le sait hein, maintenant avec les cosplays, avec la 3D, même avec le deepfake, maintenant la roule 34 des internets ah ouais, alors, n'a jamais été aussi fond de chez fond. Voilà. Donc avec la sortie d'Overwatch 2 cette année, le retour en force du personnage de la diva ouais. Miranda de Mass Effect, non, il y a pas Miranda de Mass Effect. Ah si, elle est dedans, mais elle est pas haute. C'est la diva. On note aussi la présence toujours d'un fantasme de l'année dernière, Lady Dimitrescu mais jamais de la vie. Resident Evil. La grande dame. Mais elle fait 2m30 à quel moment c'est un fantasme. Mais non, mais je sais pas, les gars sont chelous. C'est tout Overwatch qui est dedans. Il y a la diva en 1, après en 4 il y a Mercy, donc Ange, il y a Tracer, oui, il y a toutes les meufs en combi quoi. Ouais, après ouais. T'as toutes les meufs de Fortnite qui sont des skins que je sais même pas qui c'est. Ah, Mona de Genshin Impact. Si je dis pas de conneries, il y avait, moi, je crois qu'en 20ème position il y avait Cuphead. Alors oui, c'est ça que je voulais dire. Alors, et par contre Cuphead, alors là faut m'expliquer. J'ai pas compris. Cuphead en porno. Ouais ouais. Ça c'est sur les plus recherchés, les jeux vidéo les plus recherchés dans le moteur de recherche, c'est Fortnite, Overwatch, Genshin Impact en tête. Minecraft ensuite, parce qu'apparemment il y a un mode qui s'appelle Genis Mode, qui est un mode où tu peux avoir une gonzesse dedans. Et Minecraft sur Pornhub. Oh, okay. Ouais, t'as un truc. Non mais t'as un... Le monde part en sucette. C'est un truc vraiment de pour des gens qui ont vraiment envie de faire des trucs avec des pixels, tu vois. Parce que c'est genre ah, dedans. Two girls one cuphead dans le chat. Oh là là là là. Alors là c'est bien joué. Bien joué. Le Cuphead il est fou. Et alors un truc qui a fait énormément rire aussi beaucoup de monde et qui a fait râler surtout. Alors il y a Roblox, il y a Among Us aussi, bon bref. Et il y en a un, c'est marrant parce que dans le top 10 des females recherchées, il y a Fortnite Chun-Li. Ah ouais, Chun-Li de Fortnite, donc voilà. Ouais, ouais, Chun-Li tout court. Voilà. Non, mais ils ont fait un skin de Chun-Li sur Fortnite. Mais bientôt il y aura. Tu vois, c'est là que je suis vieux. Fortnite Sangoku. Sangoku, voilà, exactement. Bientôt. C'est là que je suis vieux, je me dis, il n'y a pas Lara Croft dedans. Donc on est vieux. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. Alors que nous, on regarde toujours Lara Croft avec. Il y a Ada Wong de Resident Evil. Ada, ouais. Bon. Il y a Jinx de LOL. Il y a Tifa de FF quand même. Ah, quand même. Toujours, Tifa, hein. Ah, Tifa, bon, j'avoue. J'avoue. Ah, Tifa, il a fait lui, la Tifa. Non, non, non, mais j'avoue, j'ai jamais de la vie. Mais... Toujours dans nos cœurs, Tifa. Voilà, voilà, Tifa. Donc, ah, t'appelles ça comme ça, toi. D'accord. T'es toi, Tifa. Allez, le jeu Star Wars d'Ubisoft qui pourrait se montrer en 2023, en plus de Fallen Order qui est prévu en mars, et de Star Wars Eclipse de Quantic Dream. Alors, Balek d'Ubi et Balek de Star Wars. Donc, okay. Voilà. Balek un peu. Balek, hein. Ouais, Balek, on est d'accord. Ah, je vous remercie, les gars. De toute façon, on va saturer avec tous les Star Wars qui vont sortir. Ouais, non, mais là, on a un timing quand même. Tous ouais, les jeux. D'ailleurs, il y a un timing aussi sur l'émission. On va être en retard. Plusieurs jeux qui ont confirmé une date de sortie en 2023. Donc, il y a Alan Wake 2, par exemple. Payday 3. C'est pas un P-Word. Hein. Attention, c'est le nom du jeu. Hein. Twitch, s'il vous plaît. Hein. Starfield, voilà, il y a plein de jeux, alors je peux vous en donner une petite liste. Je suis sûr que ton interjection elle a été écrite. Alors elle était pas écrite, mais quand je l'ai écrit, je me suis dit, il faut que je précise à Twitch que c'est... Attention. Hein. Mais ça c'est que sur PC du coup, parce que non, partout. Non, ah non, bon. Ça du coup, en fait, on peut tricher, et au moment où j'aurais envie de dire, je pourrais dire Payday. Ouais, et tu dis, c'est. Bah, arrête c'est quand même, payday, parce que le tu jeu. Vas vraiment nous serait. Arrête tes conneries quand même. Du coup, le Zelda 2, Tears of the Kingdom, non, il est pas dedans. Je l'ai pas mis, mais ça. Il y a Hogwarts Legacy, Pikmin 4. Non, mais c'est vraiment ces deux dernières semaines, il y a vraiment plein de jeux qui ont été confirmés. Ouais. Donc, Starfield, en fait, sur le site de la Xbox, il y a oui, eu. Oui, il y a le site de support qui est sorti. Voilà, qui a mis ça sortir la première moitié de 2023. Il y a le papa de Nioh et Bloodborne, Simon. Comment il s'appelle Wulong. Celui-là peut être cool, ouais. Qui a dit, enfin il a rien dit, mais c'est sur ESRB, il y a eu la mention M pour mature machin, donc. Pas sur Pornhub ça. Non, il y a Wulong qui va sortir aussi le 3 mars 2023. P-World 3 qui a été confirmé pour 2023, Alan Wake 2 confirmé aussi pour 2023 par Sam Lake, donc par le directeur de Remedy directement, directeur créatif. Et sinon il y a Fumito Ueda. Papa de Ico et Shadow of the Colossus, Ico, ouais. Qui devrait présenter son prochain jeu en 2023, mais on ne sait pas encore ce que c'est. Voilà. Et donc du coup, c'était un balai coup Sartek ou bah, tout le monde a parce dit que, parce que là en fait on. Bon alors, on développé. Allez, donc dernière. Est-ce que j'en ai encore une? Ouais, allez, j'en ai encore une petite vite fait. Du neuf pour les consoles new gen avec la fin de la pénurie de la PS5 officiellement, la Switch Pro qui serait annulée au profit d'une Switch 2, la Switch qui dépasse aussi un record mondial de vente et une PS5 Slim attendue. Beaucoup d'actu. Niveau des consoles, on en parle vite fait ou pas? Ouais, non, Balek. Hein. Non. Mais ouais. Je pense que tout le monde a déjà plus ou moins les infos pour ceux qui s'y intéressent. Bah là, je viens de le dire. Ouais, voilà, exactement. Oui, ouais. Donc, bah, c'est tout. Sartek, du coup, vu que tu viens de le dire. Moi, j'aurais dit ça aussi parce que je me dis quand même que peut-être qu'un jour je m'achèterai une PS5. Et bah, sans juste alors vite fait, parce qu'on est à la bourre. Alan Wake 2, Day One, Dealer's Punk, mais évidemment, The Day Before, vous en pensez quoi? On en parlera après. Pas du tout. parce qu'on n'a pas le temps. Mais The Day Before, on en parlera avant. Before. Non, mais par contre, oui, moi je l'attends beaucoup. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vraiment ça a l'air d'être un très bon jeu. Donc, ouais, vite fait, juste les petits news qui sont passés là sur les derniers jours. Du côté de la Switch, donc la console a dépassé l'illustre Game Boy. Oh. Désormais top 3 des ventes de l'histoire avec 119 millions d'unités vendues. Oh. La Game Boy est à 118,6. Reste encore un peu de place pour aller chercher la DS ou la PS2 qui sont à plus de 154 et quelques. Mais ça va être dur quand même puisque la console serait en fin de vie d'après les rumeurs. Nintendo aurait annulé ses plans de faire une Switch Pro qui recollerait avec les standards actuels du jeu vidéo parce que la Switch est un petit peu à la ramasse et qui se focaliserait donc désormais plus sur une Switch 2 parce que le temps de la produire, bah, peut-être qu'elle sortira quand il y aura la PS5 Slim qui est aussi en rumeur ou en tout cas toutes les PS5 et Xbox Pro qui pourraient arriver après. Et donc voilà, donc ce serait prévu dans les 2-3 années à venir. Et donc je rajoute aussi un mot sur Sony, qui de son côté donc, pourrait sortir sa petite PS5 Slim en fin d'année selon Tom Anderson. Sony qui n'a pas communiqué là-dessus, mais par contre qui annonce la fin de la pénurie. Le PDG Jim Ryan qui dit à ses fans que un nouveau cap a été franchi, ça fait 30 millions de PS5 vendus désormais, ce qui la fait donc 18e. Elle dépasse l'Atari 2600 et elle s'approche de la N64, voilà. Et donc pour répondre à le Spunk pour la Switch 2 avec les jeux dans le cloud, en fait c'est surtout du cloud de stockage pour l'instant pour la Switch, c'est pas du cloud de technique, voilà, pas du cloud de gaming, donc quelque part en fait t'as quand même besoin d'un client lourd derrière, et ton client lourd bah, en fait c'est ta machine, et donc une machine qui est trop à la ramasse, bah tu peux pas faire des jeux très très gourmands en matière de ressources sur le cloud si ta machine elle est à la ramasse quoi. C'est même le principe sur le PC, hein, si t'arrives pas à envoyer les images assez vite, bah ça marche pas bien. Ah, on sent que le mec a progressé niveau technique. Hein. Ouais, un peu, ouais. Il s'est passé des choses en 2 ans. Il est passé du son DAT à MS3. Il en a démonté des consoles. Ah, j'en ai compris des trucs en 2 ans. Pour les revendre sur des marchés obscurs du Deep Web. Le confinement, ça lui a fait du bien. Hein. Ouais. Juste un vite fait, votre avis sur la Switch, est-ce qu'elle peut tenir encore sur. Ouais, je pense un an ou deux. Ouais, va tenir encore au moins. On est quand même là, ça commence. Ça va être un petit peu vieux. Mais hein. C'est, comme... c'est vrai que c'est fou que il c'est vieux. Il faut voir l'aspect c'est... portable aussi de la machine. Ouais. La Game Boy, elle a quand même traîné très très très longtemps. Hein. Pokémon est sorti en 99. Ouais. Mais c'est vieux, mais pas nécessairement voilà, obsolète, hein. Je trouve. Non, c'est vieux, mais pas obsolète. Les jeux qui sortent, hein, voilà, bon, après, moi je suis peut-être un fanboy. Je trouve que les jeux qui sortent, il y a toujours une patte graphique qui t'intéresse. Même les mecs qui aiment pas, ils disent ah oui, c'est vrai, c'est Nintendo. Toi, on reconnaît. Au niveau scénaristique, les paroles, c'est pas mal. Zelda, on s'attendait tous à ce que ça soit une grosse purge. Et même il a été élu un des meilleurs jeux du monde sur Breath of the Wild. Oui, bah après, il y a des gens qui n'aiment pas, bien sûr. Mais les gens ont toujours un avis. Soit t'aimes, soit t'aimes pas, on n'est pas neutre. Mais il a autant de goût que de cheveux, ce garçon. Et du coup, vu qu'en plus ils peuvent en produire par brouette entière en comparaison avec la PlayStation 5, bah, ça leur permet d'avoir un avantage un avantage technique monstrueux, quoi. Ouais. Enfin, ils publient des jeux par, des jeux par brouette, genre. Non, mais c'est des licences. Genre les Pokémon, sauf qu'ils se font chier dessus à chaque fois parce que c'est. Techniquement, c'est de la merde. Donc, après, ouais, mais ils en vendent quand même par brouette. Ouais, Carlos Arceus, il était dégueulasse, mais bon, on va pas en parler. Ouais. Bah, Carlos est violé aussi. Mais... Oui, oui, bah, oui. Oui, bon, bah, on verra ça. À mon avis, oui, ça va durer encore quelques une à deux années, le temps de se faire rapprocher par des slim et des pros. Et puis après, bah, de toute façon, il va bien falloir faire quelque chose parce que sinon, on peut pas avoir une console pendant 30 ans la même. Donc, voilà. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de notre émission avec Flora qui dit c'est depuis qu'il parle japonais qu'il est devenu plus fort. Oui, en effet. Ah, so desne. Voilà. On se retrouve dans quelques minutes avec la chronique de Yako et dans un quart d'heure un petit récap de l'année 2022 avec les bros ici présents. On va aussi parler du rachat d'Activision par Microsoft qui pourrait capoter ou pas. On verra les derniers rebondissements qui sont arrivés il y a quelques jours. Mais avant tout, une petite pause musicale. On va faire ça toutes les semaines, toutes les deux semaines, pardon, avec le remix reggae de Super Mario par le youtubeur Mac Vaffey. Voilà, j'ai envie de mettre à l'honneur certaines petites chansons qu'on trouve sur Internet. Et on se retrouve tout de suite après. Beaucoup trop hypé pour. Tu parles ça. Sur le son. Oui. Oui, oui. Ça va, il a eu 3 minutes, ça, c'est bon. True story, bro. True story. Avec Yako. Et oui, Yako. Bonjour. Bonjour, Yako. Bonjour, bonjour, messieurs, dames. Chaque émission, une chronique vous sera présentée par nos copains. Et cette semaine, on reste sur une chronique qui existait sur Game Trip FM, puisqu'il s'agit de. La chronique True Story Bro avec Yako qui a eu 1000 vies et qui va nous raconter une vraie histoire autour du jeu vidéo. Voilà, ça parle comme, de quoi ? Comme d'habitude, je ne vais pas parler d'un jeu directement, je vais plutôt parler d'une tranche de ma vie en lien avec des jeux. Et aujourd'hui, en cette première émission de l'année, je ne vais pas vous parler d'un jeu, je ne vais pas vous parler de deux jeux, mais je vais bien vous parler de trois jeux. Mais trois jeux en une seule chronique, Yako, c'est pas un peu beaucoup ? Oui, mais comme disait John Hammond, dans ce film cultissime qui parle d'animaux tueurs d'hommes ressuscités par l'homme pour divertir l'homme, bah non, parce que la femme, ça reste dans la cuisine, faut pas déconner quand même, c'est qu'ils ont le droit de vote. Hein. Je disais quoi ? Ah oui, donc comme disait John Hammond, quand on aime, on ne compte pas. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit quoi ? Il dit j'ai dépensé sans compter. Ouais, c'est un peu de choses près, pareil. Ouais. Donc, trois jeux, oui, mais trois jeux de football, de soccer, comme ils disent outre-Atlantique. Le lien entre ces trois jeux, c'est mon papa, mon père, mon padré, celui qui est en partie responsable de ma présence ici aujourd'hui. Et je vous filerai son numéro à l'après-mission pour les réclamations, c'est lui qui fait le SAV. Hein. Ah, au secours ! Cette histoire aura donc trois parties, trois temporalités des époques où j'étais encore asthmatique et gros, et aujourd'hui je ne suis plus que... asthmatique. Bah non, gros. Bah, on voulait être sympa. Ouais, ouais, ouais. Pour une fois. Le tout dans un arc narratif Palpatine. Non, on dit palpitant. Alors oui, mais j'ai fait exprès, parce que comme j'ai fait une danse sexiste avant, là je souhaite faire un discours inclusif pour féminiser un mot. Oui, mais Palpatine, c'est pas le féminin de palpitant. C'est quoi alors? C'est Hein? Palpatine, c'est quoi alors? Ah bah c'est le méchant dans Star Trek. Ah bah tu vois, c'est toi qui dis que les femmes elles sont méchantes, pas moi. Moi j'ai rien dit. Après on fait passer par un misogyne encore. Bref, je disais donc, les trois jeux en question illustrent assez bien l'évolution des jeux de sport dans l'industrie vidéoludique. Si j'ai choisi de parler de foot, bien que je n'y connaisse pas grand-chose, contrairement à d'autres ici... Oh, même il y a plein d'autres trucs que tu connais pas bien. Ouais, c'est pas faux. Mais à ça en particulier, c'est à cause de deux événements footballistiques majeurs de ces dernières semaines. En un, bah, la Coupe du Monde au Qatar, évidemment. Et en deux, la tragique disparition du roi Pelé. Le roi est mort. Vivant. À vrai dire, j'hésitais entre plusieurs sujets pour cette chronique, mais en faisant mes recherches sur le jeu en question, je découvre que le premier jeu dont je vais parler dans quelques instants avait pour nom Championship Soccer et qu'il a été renommé plus tard en Pelé Soccer. Ouais. Wikipédia 2. Ouvrez les guillemets. Initialement prévu pour une sortie pendant la saison des fêtes 1980, Championship Soccer a été retardé jusqu'en février 1981. Le jeu a reçu l'approbation personnelle de Pelé lui-même, qui est apparu dans des publicités et a même fait des tournées promotionnelles pour le jeu. L'approbation est intervenue tard dans le processus de développement du jeu, car la version originale portait le nom de Championship Soccer à la fois sur la boîte et sur la cartouche d'étiquette, donc c'était déjà imprimé. Mais le nom de l'approbation de Pelé ont été ajoutés à la couverture du manuel d'instruction. Plus tard, Atari passait aux cartouches d'étiquettes illustrées et le nom a été ajouté officiellement et changé en Pelé Soccer. Voilà, donc avec ces nouvelles informations et l'actualité récente, il m'a paru obligatoire de m'orienter sur ce terrain de foot. Bon, lol. Ça fait 3 minutes que j'ai commencé et ma chronique, et je n'ai toujours pas parlé de jeu. Voici donc les trois jeux de ce True Story. Pelé Soccer, sorti en février 1999 sur VCF, développé et édité par Atari. Sensible Soccer, développé par Sensible Software, édité par Renegade Software sous licence Sony. Très bon. Sorti en 1992 sur Atari ST et Amiga, et qui sera porté plus tard sur Mega Drive, c'est la version que j'avais moi. Et l'inénarrable colosse que fut FIFA 98 Road to the World Cup, sorti en 1997 sur PS1, développé et édité par Electronic Arts. Ce jeu aura aussi une version sur 64, PC, Game Boy, Super Nintendo, Mega Drive et Saturn avec David Ginola sur la jaquette. C'est la référence. Voilà, remontons donc à la fin des années 80 où peu de mes petits camarades avaient une console de jeu. Je pouvais me vanter de posséder un objet de convoitise qui était l'Atari 2600 ou VCS pour les intimes ou encore Video Computer System. Avec cette bête toute vêtue de bois et de plastique, j'avais toute une pléthore de jeux avec des titres iconiques tels que Defender, Asteroid, Pitfall, Breakout, Galaxian, Pac-Man, j'en passe, et des meilleurs. Et bien sûr, Pelé Soccer. J'avais 5 ou 6 ans max la première fois que j'ai vu mon père jouer aux jeux vidéo. Et c'était un jeu de foot. Comment dire pour décrire ce jeu de foot? Je n'ose trouver les mots. C'était terriblement nul à chier. Oh. Ah ouais, non, mais je comprends même pas que Pelé ait donné son aval pour cette merde. Hein. Je veux dire, c'est ni plus ni moins que deux équipes de trois joueurs en formation triangle. Chaque joueur était représenté par un gros pixel carré, rouge pour l'équipe du bas, bleu pour l'équipe du haut. Et le comble de la nullité, les trois joueurs avançaient ensemble. Oui, oui, vous dirigiez l'équipe entière en même temps. Oui. Le fun était à son paroxysme quand vous mettiez un but, une animation de feu d'artifice apparaît à l'écran avec un son de foule en délire, son tellement dégueu que je peux vous le reproduire à la bouche là tout de suite maintenant. Je m'en souviens. Non, ça doit être ça, effectivement, c'est très réaliste quand même. Ouais, je m'en souviens. Voilà, et je sais que je fais super bien le chat qui feule. Mais je suppose qu'en son temps, il ne devait rien avoir de mieux. Ce fut ici ma première expérience avec les jeux de foot. Cela dit, je me souviens qu'on a passé de longs après-midi à jouer avec mon père. Et moi, j'étais content. Bon, j'étais con, hein, mais j'étais content. Plus tard, avec la Mega Drive, mon père acheta le jeu Sensible Soccer. Et là, au bordel, la révolution. Avec Sensible Soccer, tu pouvais faire plusieurs compétitions européennes et uniquement européennes. Un peu comme ma bite. Un peu comme, voilà. On peut dire ça sur Twitch. Du simple tournoi de club à la compétition, à des compétitions internationales telles que la qualification pour la Coupe du Monde, par exemple. Le jeu en soi est de bonne facture, amusant, un peu moche pour l'époque, très simple et surtout très efficace. On va passer sur le gameplay de système de passe, centre, dribble, tacle, 1-2, passement de jambe, parce que ça m'en fait une belle, de jambe. Non, là où le jeu m'a marqué, c'est dans la personnalisation de ses équipes. On crée une équipe, nommer, on peut nommer chaque joueur, changer la couleur de peau, la couleur de short, la couleur de maillot. Très pratique car ce jeu n'était pas sous licence FIFA et donc n'avait pas les droits d'exploiter les vrais noms des joueurs. Et voici donc la liste des 15 joueurs de l'équipe de France présente dans le jeu. C'est un screenshot que j'ai pris, on peut pas le voir très bien, mais c'est les vrais noms du vrai jeu. Alors certains, on s'en souvient très bien, d'autres personnellement, comme je n'étais pas très fan de foot, voilà. On a Bruno Mirtini, Bernard Lema, Laurent Blanc, c'est ce qu'après ils ont Blanc fait. ENC, hein, s'il vous plaît, Bézil Bully, Hélène Ruche, Emmanuel Pitti, Juscelin Ngloma, Boxanté Lozarazu, Corentin Mertins, Franck Seuzé, Franck ENC, hein, s'il vous plaît, Dodier Dichamp, Paul Ligienne, David Jonola, Eric Santona, Xavier Grevelaine et bien sûr, Jean-Pierre Pépin. C'était quoi, c'est Sensible ça, c'est ça? Sensible Soccer. Ah, okay. Ils ont fait après dans PES, dans ISS. Ah d'accord, ok. On dirait un peu les sous-marques des produits de merch de chez Lidl ou chez ED, là, un peu comme dans le sketch de Jamal Dibous. 4 ou 5 ans après est arrivé le Graal, le magnifiant, le fabuleux FIFA 98 Road to the World Cup. Et normalement, dans vos têtes, ça chante un peu. Chante un peu. On a fait la vie métal. C'était gênant. Bref, revenons à nos crampons. FIFA 98, là, on était ailleurs. Là, c'est la 3D, les vrais noms des joueurs, le système de carrière, tout ça, tout ça. Mais là encore, ce qui me plaisait beaucoup, c'était la personnalisation. Parce que oui, dans ce jeu, on pouvait carrément personnaliser la tête des joueurs. Et je m'étais fait ma tête dedans. Ouais, moi aussi. J'ai également beaucoup joué à ce jeu avec mon père, qui en vrai n'est pas très jeu vidéo. D'ailleurs, après FIFA 98, j'ai pas le souvenir de l'avoir revu jouer à un jeu. Pour vous parler un peu de mon papa, oui, c'est l'instant thérapie. C'est un mec qui travaille beaucoup. Il est mécano et sa passion, c'est d'avoir toujours les mains pleines de cambouis, c'est se lever tôt, c'est de passer toute la journée dans son garage, été comme hiver, et c'est vrai que c'est tout sauf une feignasse. Autant vous dire que voir son fils le cul sur le canapé, manette en main, c'est pas vraiment ce qui faisait sa fierté. Alors un matin d'automne, très tôt, presque aux aurores, vers 14h45, mon père se pointe dans le salon. Et moi, j'étais tranquille, j'étais peinard, posé dans mon calbar, les doigts serrés sur les potards. Je pensais pas qu'il était si tard, puis il s'est approché de moi. Et il m'a regardé comme ça. Mais t'as que ça à foutre, putain, c'est pas possible de rien... On peut dire tout ça ? Ouais, hein. T'as que ça à foutre, putain, c'est pas possible de rien branler comme ça toute la journée devant tes jeux de merde. Allez, va mettre un bleu, je t'attends dans le garage, et j'ai de rotules à changer. Avec le soupir du père déçu. Et pas du père le sucru. Il était chirurgien, en fait ? Ouais. Un bleu de travail ! Tu connais pas mon bleu ? Non, pour les rotules. Il y a rotules de direction, les gars ! Allez, on a 15 minutes de retard déjà. Le temps de sauvegarder, je m'exécute, je vais l'aider, je me retrouve debout sur une barre en fer pour plier un cardan, et je repense à nos après-midi sur Pelé Soccer, sur Sensible Soccer, et je me dis, ça y est, on en est là, je vais devoir aller bosser, fini la branlette. Le soir tombe, puis le souper se termine, et c'est l'heure d'aller me coucher, la tristesse dans l'âme de l'enfance qui s'achève. Et dans mon lit, les yeux fixant le plafond, je me fais des flashbacks, comme dans une mauvaise sitcom des années 90, avec pour musique de fond Simon & Garfunkel. Hello darkness my old friend. Ah, oui, c'est la chronique karaoké aujourd'hui. Oui, puis on n'avait pas envie d'être DMCA donc. Si je chante moi. Non, ça va, c'est bon. Je m'endors les yeux mouillés. Le lendemain matin, le vrai matin, hein, j'ai une forte envie de pisser au réveil. Comme quoi l'expression pleure, tu pisseras moins ne fonctionne pas du tout. Sur le chemin des toilettes, je comprends que mon père est déjà levé. Je le devine dans le salon et j'entends un bruit familier. Le bruit du plastique claquant d'une manette de jeu. Alors, oubliant mes besoins naturels, je me dirige discrètement dans le salon. Et là, c'était pas qui paille à qui dans le canapé. Mon daron, là, en calbute, posé sur le canapé, la manette en main. Il lui a bien fallu une minute avant de s'apercevoir de ma présence. Alors, il se retourne vers moi, et avec le regard de l'enfant pris la main dans le pot de confiture, se fige et sourit gêné. Alors, je prends mon meilleur air de papa déçu et je lâche. Putain, c'est pas possible de rien branler comme ça avec ta manette de merde. Allez, va mettre un bleu, je t'attends dans le garage. Ce à quoi il m'a répondu, tout penaud, en me tendant la manette. Tu veux jouer avec moi ? Je crois que ce fut la dernière fois que j'ai joué avec lui. Après ça, le lycée, l'internat, le bac, le boulot, la distance ont fait que nous n'avons plus vraiment eu l'occasion de jouer. La morale de cette histoire ? La vie est ainsi faite, emplie de rites de passage, de début et de fin. On se voit grandir, on se voit vieillir, et puis un jour, on devient aigri en slip sur le canapé. Mais ce que je retiens de tout ça, c'est que si parfois je trouvais le gris de ma manette de PS1 légèrement assombri par le noir du résidu de cambouis, ça voulait dire que malgré tout, au fond, on reste toujours un peu des enfants. Dédicace à mon papa de là où tu es à cette heure. c'est-à-dire dans son garage, hein, et moi en train de parler de jeux vidéo sur un canapé. On a eu chaud. Voilà, voilà. Ouais. On a eu chaud, on a failli pleurer. Non, c'est bien, c'est bien. On vieillit tous, les gars, alors. Voilà. Plus ou moins bien. Ah, voilà. Plus ou moins gros. Voilà, la bise à mon papa, je sais qu'il regarde. Et après, qu'il après quand j'ai compris qu'il était dans son garage, en fait, non. C'est ça, les... Après, je m'en battais les couilles, du coup. La bise à mon papa aussi, je viendrais te déterrer un de ces quatre. Bon, bah, on va passer donc au reste de l'actualité. Sans mes jeux de mots, ça s'appelle vraiment comme ça. Les restes de l'actualité. Super Radio Broth. Voilà, j'ai fait un petit peu de prod aussi. Tourche qui vient de s'abonner, merci pour le sub, évidemment. Cramé Tourche, quoi. Merci pour le follow. Tourche là depuis le début. Tourche aux 5 qui était super, dit Tourche, c'est bien le seul qui pense ceci. Les restes de l'actu, c'est quoi? C'est nos gros débats. On va prendre un peu plus de temps, ou pas, parce qu'on a 15 minutes de retard, pour discuter. On a news. Vraiment 15 minutes de retard? Ouais, mais après on a commencé peut-être 5 minutes en retard, donc c'est pas très grave. Ok. Ça fait que 10 minutes, c'est comme d'habitude, quoi. On va commencer... de le dire, ça rajoute encore du retard. Les auditeurs adorent les détails techniques. T'interrompre en plus. Voilà, tout ça. On va commencer par parler du Xbox Game Pass. Vous le savez, le Game Pass, donc, c'est un peu ce qui a permis à Microsoft de ne pas trop couler face à la concurrence et même de se refaire une petite jeunesse face à la PS5 avec des jeux en Day One, avec le modèle économique tout simplement de payer pour jouer à tous les jeux des consoles Xbox. Et bien tout ça, ça amène les décideurs, tu vois, les décideurs, à penser à un Xbox Game Pass en moins cher contre des pubs, comme Netflix, classique. Qui a présenté son plan avec des pubs, hein, on l'a vu. Ouais. Microsoft pourrait faire pareil, suite à un sondage réalisé par Microsoft auprès des utilisateurs afin d'étudier les intérêts pour une formule plus économique. Le bruit court qu'une nouvelle offre pourrait voir le jour, cette dernière consiste en effet à l'image de ce que propose Netflix, d'avoir une contrepartie. Donc regardez, une pub avant de jouer, en cas d'attrait manifeste des joueurs, un nouvel abonnement mensuel pourrait donc venir s'ajouter aux 3 actuels entre 12,99 et 9,99. Donc ça arriverait donc sur Xbox et sur PC. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous seriez prêt à regarder une pub avant de jouer à des jeux vidéo? Alors moi j'ai juste une formule magique, hein. Avant on disait quand c'est gratuit c'est toi le produit. Maintenant on va dire quand c'est pas cher c'est toi le produit. Donc frère, voilà. Tu payes et en plus non. Ah ça dépend. Après toi. Toi je sais pas, maintenant je deviens moins réfractaire aux pubs avec l'âge. Vu que c'est des publicités ciblées, je vois des trucs qui m'intéressent des fois. Je me dis, ah, des choses sur lesquelles j'ai pas forcément. Les concerts notamment. Mmh. Quand t'es informé, ça te permet d'avoir tes places plus tôt. Donc bon, pourquoi pas. Je suis assez d'accord avec ça. En fait, ça, si c'est, on va dire, perdre une minute, de toute façon, enfin, des pertes d'une minute. Enfin... Pour les chargements, de toute façon. Ouais, non, mais déjà, et puis, je sais pas, au pire, tu vas faire un truc dans ta cuisine. Enfin, t'as toujours moyen de faire quelque chose si vraiment ça t'emmerde. Et moi quand t'as parlé de ça, j'ai pensé que c'était peut-être, je sais pas, même des pubs, je sais pas, pendant une cutscene ou un truc, ouais, comme ça du jeu. Là tu tapes une pub, là ça serait frustrant. Il y a ça dans NBA, c'était dans NBA qui avait mis ça, NBA 2K, je crois que tu t'avais des pubs pendant les vraies coupures pub du ah jeu oui in-game, ouais mais ça oui mais dedans, là limite ça, niveau scénaristique ça colle mais presque. Tu payais toujours aussi cher, tu payais quand même, ouais, pour le jeu 70 balles. Mais ouais, sur le fond, ouais, ça me choquerait pas. Après, bon, c'est quoi, c'est 13 balles le Game Pass, ça, ouais. Si ça passe, je sais pas, à 5 euros par exemple, et qu'ils mettent une pub, bah là, à Netflix, l'occasion. Par exemple, il passe de 8 euros le truc de base à 3 euros quand tu choisis le forfait avec ça, des pubs. Franchement, pour 3 balles, regardes, Netflix, t'as un peu de pub, ça va, quoi. Pour 3 balles. C'est comme tu dis, si c'est pas en plein milieu, ça dépend comment c'est fait, quoi. Wow, si c'est pas en plein milieu de ton programme, ça passe, quoi. C'est comme une sponsor au début d'une vidéo YouTube ou je sais pas quoi. Ouais. Bah, au pire, si ça t'emmerde, tu vas à 2 minutes et puis la sponsor elle est passée, terminée, merci, au revoir. Ça, à la limite, je trouve ça quand même mieux, la sponsor. Oui, parce que c'est pas. Parce que déjà, c'est pas un truc. Le gars, il le fait vivre, en fait. Tu vois, genre que ce soit JDG ou n'importe quoi. Oui, mais toi, ça te fait vivre de payer moins aussi. Ouais, non, mais bon, ça, je trouve ça moins déconnant qu'une pub, genre la pub de YouTube d'avant le programme, tu vois. Ouais, Le Spunk qui dit je suis abonné jusqu'en 2025, mais s'il y a des pubs, je prolonge pas. Déjà qu'il y en a sur l'interface de la console. Oui, non, mais il y aura pas de pub si tu gardes le même prix, en fait. Oui, mais après, c'est pour si les gens qui veulent payer moins cher. Pour ceux qui veulent choisir. Ah, t'as une contrepartie, à un moment, ils vont pas baisser leur prix. C'est... Et Tourche qui dit pour 3 balles, ça pourrait être gratuit. Ouais, c'est vrai que bon. Pour 3 balles, t'as plus rien. Pour 3 balles, t'as plus rien, évidemment. Après, 3 balles, en francs français, ça fait. Ça fait quand même 18 francs. 18 hein. francs, hein, on le dit pas assez. Avec l'inflation, ça fait plus. Oui, en plus, oui. Ça fait 18 000 francs. Avec tout ce qu'on nous envoie dans l'espace. 18 000 anciens francs. En fait, je trouve justement par rapport au truc d'inflation, si on fait un peu les. Bah, vas-y. Oui, si on fait un peu les vieux cons, on va dire. Enfin, on te propose des. Le pouvoir d'achat, il est un peu en galère. On te propose des solutions pour payer des trucs moins chers. Mais c'est vrai, on peut pas se plaindre, ouais. Donc, à un moment, pourquoi pas. Oui, tant que t'es pas obligé. Encore une fois, sur la base du volontariat. Ouais, ceux qui veulent, ils le font. Ceux qui veulent pas, ils continuent. C'est comme avec les pay to win, toi. Oui. Ah, mais non, si tu veux gagner, t'es obligé de payer. Non, bah alors plutôt les pay to cosmétiques, quoi. Ouais, là oui. Mais c'est, ouais, c'est pareil, tu choisis de mettre des thunes ou pas, voire même tu choisis ou pas de jouer à des jeux vidéo, et puis au pire, ouais, tu vas faire autre chose. Hein. Vas-y ou pas d'ouvrir ta bouche, allez, bonne soirée, merci à tous. Merci à tous. C'est un pas bon week-end, joyeux Noël. C'est ce qu'on appelle la démocratie, messieurs dames. Merci, c'était super Radio Bros. Donc ouais, donc voilà, donc c'est une petite potentielle innovation. Alors c'est pas encore décidé, hein, évidemment, mais ça se décidera en généralement quand c'est annoncé, c'est que c'est décidé. Oui, évidemment, la température. Évidemment, mais faut d'avoir une Xbox quoi. Et un thermomètre, du coup, pour prendre la température. Exactement. Autre gros dossier qui date, qui dure. Je peux pas mettre un peu comme ma bite, merde. Il y a eu des rebondissements ces dernières semaines, et surtout ces derniers jours. Ça date d'il y a un an déjà. Microsoft qui avait annoncé le rachat d'Activision Blizzard King. On oublie toujours le King qui est derrière, qui est quand même le plus gros éditeur de jeux de sociaux, on appelle ça. C'est Candy Crush, hein, c'est ça. C'est ça. C'est Candy Crush, ouais. En janvier, donc un deal historique de 68 milliards de dollars. Pas mal. Ça fait pratiquement le salaire des trois personnes devant moi réunies. Un record absolu dans le monde du jeu vidéo. Sur 500 ans. Sur 500, 5 millions d'années. Je suis même pas sûr que 500 ans. Ils ont été très vite à annoncer tout le changement que ça allait apporter. Ils ont tout reconstruit leur Microsoft Gaming et tout ça, remis une hiérarchie, tout ça. Et le deal devait être bouclé en moins d'un an, donc là, maintenant. Sauf qu'entre-temps, les autorités de concurrence ont toutes dû rendre un verdict pour valider le rachat, dire s'il n'y avait pas de problème de concurrence, tout simplement. Les petites instances dont tout le monde se fout ont très rapidement dit « Ok, il n'y a pas de souci », comme le Brésil, l'Arabie Saoudite. Ouais, dont tout le monde se fout, le Brésil... t'es mignon, mais c'est un marché énorme par rapport aux autres qui doivent donner leur avis. Ça sera peut-être moins écouté, mais en vrai c'est oui. Énorme. Mais donc c'est plus compliqué pour les grosses. Alors les grosses, c'est notamment la FTC, qui est la fédération du commerce en Amérique, qui a annoncé s'opposer au rachat avant Noël, donc s'opposer vraiment. Ensuite les autorités britanniques qui ont temporisé aussi, la commission européenne également, qui est en train de sonder les studios pour savoir, ils demandent aux studios, ils font des petits sondages pour savoir s'il y a un risque de monopole et s'ils pensent que le Game Pass et l'exclusivité pourraient leur causer des ennuis pour la suite. Bref, enfin, tout le côté occidental, en gros, ça se passe assez mal. En cause, la mauvaise gestion, selon eux, du rachat de ZeniMax. Donc ZeniMax, c'est ceux qui ont Bethesda, donc The Elder Scrolls et tout ça. Mm. Ça aurait empêché apparemment des joueurs de jouer à plusieurs jeux du fait du Game Pass en Day One, de l'exclusivité PC-Xbox pour certains jeux. Donc en fait, voilà, ça les a un petit peu refroidis. Ils sont en train de se poser des questions là-dessus. Et surtout, le gros problème depuis le début, c'est la licence Call of Duty. Parce que avec Activision, ce qui emmerde fortement Sony, c'est que Microsoft a racheté les éditeurs de Call of Duty, et donc forcément Sony c'est leur licence la plus juteuse actuellement sur leur console, une des licences les plus juteuses avec FIFA, donc ils aimeraient ne pas le perdre. Alors on a appris entre temps que Microsoft avait proposé un deal sur 15 ans, pour ne pas rendre la série exclusive, donc ils essayent vraiment de se rapprocher de Sony en disant on va tester des trucs, on va faire attention et tout, on va vous continuer à vous donner tout ce que vous avez envie. Ça n'a pas convaincu visiblement. Microsoft a aussi communiqué sur la décision de la FTC en disant qu'en gros il y a une grosse différence entre les jeux comme Call of Duty qui étaient façonnés pour tous et qui deviennent exclusifs, ou des jeux qui sont faits exclusivement pour la Xbox, par exemple Starfield sera exclusivité Xbox, Redfall aussi, et ils ont dit oui, bah, y a une différence, ça c'est des jeux qu'on crée pour nos consoles, c'est pas des jeux qu'on est en train de voler à quelqu'un d'autre, donc on peut pas mettre ça dans la balance. Donc bref, c'est un petit peu bordélique en ce moment. Il y a eu un dernier rebondissement il y a 2-3 jours, la FTC a assuré qu'elle voulait pas en fait saisir la cour d'appel fédérale, qui serait la seule à pouvoir annuler le rachat, elle veut juste un peu plus de garantie, en fait c'était juste pour montrer ses grosses bollocks et puis dire non mais arrêtez les conneries. Est-ce que vous pensez que ça va capoter, ou est-ce qu'au final, bon, c'est beaucoup de discussions et puis au final, bon, voilà, ça va. Comme tout à chaque fois, beaucoup de discussions et ouais. Au final, ça va passer. Hein. C'est une histoire de gros thunes, c'est tout. Hein. Pas de gros bits, mais de gros sous, tu vois. C'est une histoire de gros sous, ça c'est sûr. C'est tout. Ça va jouer en négoce et ça va jouer en. Mais ça se fera. Ça se fera et on sait que ça se fera. Je pense qu'il n'y a pas un monde où t'annonces ça et. Et ça se fait pas, je disais tout à l'heure. Surtout que tu réorganises déjà ton taille. Ça s'est vu, ça s'est déjà vu. On va parler de la Super Nintendo qui devait être la Super PlayStation. Nanana, ça s'est déjà vu. Oui, d'accord, ok. Mais combien de fois dans l'histoire ? C'est tellement anecdotique qu'il faut remonter genre 30-40 ans en arrière pour se dire ah oui, on s'en souvient de ça. Ouais, mais façon de parler. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu le crash avec Atari, tu vois. Il y a eu des choses comme ça dans l'histoire où il y a eu des annonces qui ont été faites, ça va être ouf et nanana, et puis non, ça a été freiné par je ne sais qui. D'abord, c'est politique, après c'est économique, et après c'est juste une histoire de chèque. Et ça se finira par des chèques. Gizmondo. Ou ça se finira par une grosse concession sur Call of. Sur quelle licence, ouais. Peut-être qu'ils vont donner 30 ans d'exclu. J'espère juste qu'il n'y aura pas des Call of qui vont sortir encore pendant 30 ans, parce que... Ouais. Voilà quoi. Bah, en fait, surtout la question, c'est même pas ça, c'est... ce que la FTC et la Commission européenne arguent dans leur réquisitoire à chaque fois, c'est c'est pas bien pour la concurrence. Votre Day One, votre Xbox Game Pass, vos exclusivités, c'est pas bien pour la concurrence. Sauf que Microsoft à chaque fois, et d'ailleurs il y en a 2K, qui, enfin, le patron de 2K est assez pote avec Phil Spencer, avec donc avec Microsoft. Et en fait, il disait non, mais c'est bien en fait. Microsoft a dit, mais c'est pour vous qu'on fait. Vraiment, il y a eu une interview lunaire à un moment où le patron de Microsoft fait, mais en fait, le rachat là, qu'on fait d'Activision, c'est pour vous. Hein. Nous, on s'en fout. Hein. Nous, c'est parce que comme ça, bah, il y a plus de monde qui pourra jouer à plus de jeux sur plus de consoles. Et en plus, je pense que c'est vrai. Pour le coup, je pense que pour le coup, c'est pas de l'enfumage. Je pense que c'est vrai. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Je pense que c'est vraiment vrai. Vous avez le Game Pass, vous ? Non, moi non, ouais, j'ai pas d'Xbox. Mais tu vois, juste alors, PC, ça, après le oui, comment non, ça ah, reste le... pied, d'accord. Et le alors bah forcément je pense parce qu'à un moment il était question de genre mettre labo de World of Warcraft bah, du coup plus payant. Le Spunk il en parle là mais ouais, c'est vrai. Mais Spunk il dit j'ai espoir de l'abonnement de WoW suite au rachat soit inclus dans Game Pass Ultimate. Ouais, voilà. Et ça bah typiquement ça ferait gagner 13 balles par mois des millions de joueurs et c'est pareil sur je sais pas ça pourrait te fileter des récompenses alors, encore une fois je parle des jeux Blizzard mais des cosmétiques bah tiens ou le Battle Pass sur Diablo 4, j'en sais rien tu vois. Et enfin, il y a plein de joueurs qui seraient ravis de ça en fait. Bah oui, bah bien sûr. Il y a forcément des joueurs, un infime pourcentage qui va être lésé parce qu'il y aura des conditions qui seront pas parfaites pour un Day One sur je ne sais quel exclu. Mais à un moment. Mais attends, pas... ceux qui râlent aujourd'hui en disant oui, mais attends, Starfield, ouais, mais si vous faites ça, Starfield et Redfall vont être que sur Xbox, on pourra pas y jouer. Bah, et à deux fois, moi je peux pas y jouer, les gars. Bah, voilà, bah, maintenant oui. Parce que bah, tant tous les jeux PS sortent sur PC. Bah, si. Oui, mais deux ans ou un an après. Voilà. Après bah, oui, mais moi j'ai envie de dire, moi, Spider-Man que j'ai attendu pendant 5 ans qui est pas sorti sur PC, j'étais dégoûté. Et parce que c'est une exclu PS, et je dis bah tant pis. Bah oui, j'attends. Après, là où ça fait queener les autres, c'est parce que ça va fatalement faire vendre moins la console l'exclu quoi. Donc si effectivement tu peux jouer à code sur Switch, j'ai une connerie, si t'as déjà une Switch, tu vas pas dire ah je veux absolument jouer à code, faut que je m'achète une PS5. Non bah non, du coup ou un PC ou je ne sais quoi. Donc oui, ça va faire chier les gens qui vendent du hardware, oui, normal. Vivement que ce rachat soit acté, que cette histoire prend fin. Microsoft s'est engagé à sortir code sur console Nintendo pendant 10 ans et même à sortir code sur la PlayStation sur PlayStation Plus de Sony, ouais, c'est vrai, et Sony a refusé en effet. Et oui, Sony pour l'instant ils y mettent non, pas vraiment Sony, de, oui. pas c'est vraiment Sony de, qui fout vraiment de... plus le bordel actuellement parce qu'ils alors veulent que, vraiment en, garder leur truc. C'est qu'en plus ils sont larges devant. Alors je suis pas. Ils disaient non. En fait, il y avait vraiment une position victimaire. Sur les ventes de consoles. Hein. Ouais. Par contre, sur les abonnements de Game Pass et PS Plus. En service, Microsoft est devant. Ouais. Mais il y avait quand même une position un peu en mode Microsoft quand ils sont passés devant la FTC, ils ont dit en gros. Non mais vous vous rendez compte, la concurrence face à Sony et Nintendo, mais c'est énorme, nous on est des tout petits acteurs du domaine par rapport à ça et tout, donc si vous nous donnez pas ça, on va pas survivre, tu vois. Bon, faut peut-être pas aller non plus jusque là, je pense que Microsoft peut survivre sans Activision, mais ils sont derrière, de toute façon, oui. On a une petite réflexion de Tourche qui est Attends, y a très Floralis pertinente. Qui dit, ça me choque pas de payer l'abonnement à WoW, j'ai plus peur de la potentielle portabilité sur console, et c'est vrai que le Spunk dit WoW à la manette. Ça existe déjà, WoW à la manette, ça existe déjà. Ouais. Mais sur PC, mais ça existe déjà. Mais après, la portabilité sur console, au pire, ils feront une version. Ils feront un portage naze sur console. Bah, encore une fois, tu joues pas. Ouais. Et alors tant que ça vient pas affecter la manière dont ils dev sur le PC, et je vois pas trop en quoi ça l'affecterait au final. Oui, puis il y a de l'interopérabilité maintenant, quasiment tout. Ouais, oui, ça, maintenant. Ça sort de. Ça sent l'information là, Jack. Un peu, hein. Fait, mais. Qui êtes-vous qui avez Désolé, maintenant j'ai un avenir. Avant, j'avais juste un passé. Je rebondis sur les histoires de Xbox, PlayStation, parce que je trouve ça intéressant. Ouais. Là où Sony veut vendre des consoles, alors à une époque, peut-être que j'y vais, tu pourras me contredire. On m'avait dit qu'ils margeaient pas sur les consoles, les constructeurs, mais qu'ils margeaient surtout sur le software. Oui. Alors est-ce que ce serait plus le cas? Parce que là, apparemment, Xbox fait de l'argent Xbox avec le Game Pass, avec... mais Sony fera encore de l'argent sur les consoles, alors qu'ils sont en galère complète pour les produire. Bah, les derniers trucs qu'ils ont dit, c'est c'est toujours à perte les consoles. Et voilà, alors, maintenant, c'est à perte. Voilà. Alors maintenant, c'est la perte. Mais justement, c'est pour ça que Microsoft a eu plus ou moins le creux, bon flair de trouver comment faire pour rentabiliser. Et encore, des derniers trucs que j'avais lus au début d'année, ils disaient que même ça, c'était pas encore non plus, c'était pas de quoi rentabiliser non plus la boîte. Aujourd'hui, Microsoft fonctionne parce que Windows et parce que les services Microsoft global. Microsoft Gaming n'est pas le truc qui. Mais c'est pas l'essentiel de leur activité, ouais. Windows Server, il y a quasiment ça dans toutes les entreprises, c'est là-dessus qui marche. Xbox et PlayStation ne sont clairement pas sur le même modèle, dit Tourche. Là où Sony veut vendre des consoles, Microsoft veut surtout vendre son Game Pass. Les séries X sont des terminaux pour accéder aux services de streaming. Il suffit de voir le partenariat Xbox-Samsung. Bah oui, c'est ça, c'est... Xbox a Et pas sur le même. Oui, les consoles, elles n'ont plus rien à secouer, quoi. Non, non, et sans doute aussi que d'autres derrière vont avoir. Enfin, je pense que Microsoft va commencer à dire la même chose. Microsoft a déjà son abonnement pour jouer à des jeux, vieux jeux, là, je sais plus comment il s'appelle, il y a un espèce d'abonnement, Switch Online, qui permet de jouer à. Microsoft Nintendo, tu veux dire. Nintendo, pardon. Quand t'es abonné au, quand t'as l'abonnement online pour jouer en ligne, t'as un abonnement automatiquement pour voir la Super NES et la NES. Ouais. Par contre, ils sont votés sur la, non, ils sont votés sur la Mega Drive et la 64 parce que c'est un abonnement complémentaire. Oui, c'est un abonnement en plus. Ouais. Donc c'est un abonnement sur un abonnement. Et là, du coup, bon, ça a pas marché plus que ça, quoi. Ouais. Donc voilà, Microsoft pourrait ou ne pourrait pas avoir ce contrat. Bon, je pense que ça va pas trop bouger. À noter aussi que pour l'anecdote, Microsoft est déjà dans le futur puisqu'il serait en train de discuter pour le rachat de Netflix. Du coup, en 2023, c'est pas mal. Pour 140 à 210 milliards de dollars. Routine, une bagatelle. Voilà, c'est. Voilà. Il y en a un peu plus, je vous le laisse. Et dernière news qui est tombée hier, les organismes de Grande-Bretagne qui annoncent reporter leur décision en avril. Donc eux n'ont pas encore décidé. Donc de toute façon, ce ne sera pas fait ce mois-ci. Comme d'ailleurs, c'est quoi ? Il faut que le rachat soit validé à l'unanimité par tous les. C'est un organisme ou non, c'est genre fait, ils donnent tous. C'est avis consultatif C'est un avis consultatif et leur avis consultatif peut être utilisé pour ensuite saisir des, par exemple la Cour fédérale ou la Cour d'appel aux États-Unis pour casser le deal. Ils peuvent aussi donner un avis, dire qu'ils sont pas contents, machin, et finalement rien faire derrière. Et Microsoft peut, c'est mal vu, mais peut dire Balek. Genre Papsartec quoi. Voilà, Papsartec, voilà. Ah, moi je trouve ça assez rigolo, c'est vrai qu'on a tendance à dire oh, regardez aux États-Unis c'est le pays de la liberté, on peut faire ce qu'on veut, finalement sur les lois antitrust, les lois anti-monopole et les machins là, ils sont quand même assez sauvages. Ah bah oui, oui. Surtout que la FTC, il y a deux organismes en gros aux États-Unis qui peuvent décider ce genre de truc, et la FTC c'est celle qui est vraiment, quand t'as envie de faire chier, c'est la FTC qui est saisie, donc c'est celle qui est très mordante. Donc voilà. Mais c'est que consultatif alors, ils ont pas de possibilité eux, de faire eux ils ont un pouvoir, quoi. Et là il y a deux jours ils ont dit, en gros ils sont revenus un peu sur leur avis en disant non mais. On voulait pas annuler, on voulait juste vous dire attention, machin, et du coup il y a des dérives qui. Oui, et du coup ils ont pas un dossier assez costaud en fait pour saisir la cour. Donc s'ils vont saisir la cour, c'est eux qui vont être, ils vont passer pour des cons, donc ça sert à rien. Mais dis-moi, j'y vais, est-ce que ça ne deviendrait pas beaucoup trop sérieux pour une émission qui s'appelle Super Mario Bros. Alors comme on est en retard, on va très rapidement passer sur le troisième débat qui concerne notre petit tour d'horizon très rapidement sur l'année 2022, les Game Awards, tout ça c'est sorti, Elden Ring a été élu jeu de l'année. D'ailleurs, Elden Ring est devenu tout simplement le jeu le plus récompensé au monde de tous les temps, dépassant désormais The Last of Us 2. En début de semaine, il était à 300... Alors qu'il a une histoire moins bonne que The Last of Us. Exactement. Ah, apparemment. En début de semaine, il était à 338 distinctions de jeux de l'année, en provenance de structures reconnues ou de médias importants. Sur l'année seulement, on retrouve donc Elden Ring en tête, ensuite God of War Ragnarok qui a obtenu 83 prix cette année. Énorme quand on voit la suite du classement, puisque Immortality derrière est seulement à 7 prix, Horizon Forbidden West à 5 et Xenoblade Chronicles 3 ensuite. Voilà, les Game Awards, il y a eu le GOTY, c'était Elden Ring, meilleure réalisation, meilleure direction artistique, meilleur RPG... God of War est aussi très présent, très meilleur jeu indé. Puis il y a aussi les Steam Awards qui sont tombés cette semaine avec Elden Ring, grand gagnant encore. Elden Ring, meilleur jeu de l'année, je pense. Moi, c'est mon jeu 2022 du coup. C'était ton jeu 2022, ouais. C'est lui. Il y a un R dedans. J'ai pas précisé à quel. Ouais, je croyais que tu vois. Et toi, c'était quoi ton jeu de l'année, Yako? Bah, c'est maintenant là, faut qu'on le fasse. C'est parti quoi? Non, c'est maintenant le jeu de l'année. Bah oui, vite. Ah, moi, jeu de l'année, c'était Dragonflight, hein, y a pas besoin de discuter. Il n'y a pas assez de temps de jeu là pour l'instant. Mais, je sais pas, t'as fini tous les mythiques, moi pas. Hein, je suis à plus 14 à peu près partout. Non, je te parle de Raid. Non. Bonne chance. Hein, ah oui. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Bah, on va pas parler de voir. Pour Elden Ring, du coup. Bon, en fait, j'étais pas du tout un joueur de Souls-like. Enfin, pas spécialement. En tout cas, j'ai joué vite fait au Dark Souls 3 et peut-être un peu au 2, je crois. Mais en fait, il est beaucoup plus accessible a priori que les autres. Et justement, j'aime pas spécialement le lore et compagnie, mais là, en fait, niveau exploration, enfin, je crois que j'ai passé 150 heures de jeu. Enfin, et encore juste sur la sauvegarde. Donc, du coup, il y a des fights de boss où j'ai peut-être passé 5 heures et donc, qui sont pas vraiment comptés dedans. T'as pas de gosse, quoi, du coup. C'est... Alors, oui, ça joue. ça joue. Parce qu'effectivement, j'ai fait 150 heures sur. J'ai fait 150 heures sur genre 2 mois. C'est triché. Non, ça fait genre sur 2 mois, tu vois. Enfin, j'ai adoré vraiment parce que le monde est ouf, parce que les fights sont super punitifs sans être non plus trop hardcore parce que tu peux ajouter des trucs qui viennent un peu simplifier si besoin, et tous les builds que tu peux faire c'est ouf, hein, c'est con, mais la durée de vie, de toute façon on en a déjà parlé X fois ici, mais la durée de vie c'est un argument primordial pour moi sur un jeu. J'ai pas envie de payer 70 balles pour jouer 10 heures, quoi. Ouais, c'est pas faux. Et quand tu et quand t'as 150 heures de jeu et encore t'as fait j'ai raté des boss, j'ai raté des fins, j'ai raté des builds, enfin j'ai fait un seul build forcément. Et c'est, enfin tu te dis que tu peux jouer 1000 heures dans l'absolu quoi. Et tu vois, c'est pour ça que moi par exemple, moi j'aurais mis en 1 peut-être en 2 Lego Star Wars la saga Skywalker. J'ai jamais joué parce que bah, j'aime bien les jeux Lego, mais du coup Lego, c'est des jeux où tu fais vraiment 150 heures de jeu dessus hein, ah, si c'est tu vrai veux que c'est complet. Tout le collectible et tout que tu veux avoir, et en plus bon là t'as le côté un peu fan service du truc, même si je suis pas spécialement fan de Star Wars, mais voilà, c'est des trucs un peu. Jack, t'as pas dit toi ton jeu de l'année? Ouais, moi c'est un jeu que personne ne connaît, donc c'est Live Alive, un jeu Super NES de 93. Et là tu vas me dire, c'est encore avec tes vieilles merdes. Il est sorti sur Switch. Exactement, ouais, donc moi donc j'ai pas plus le temps que cette jeu. Alors c'est vrai qu'Elden Ring, je l'ai vu tourner, c'est là vraiment beau. Mais je pense que c'est des jeux, si t'as pas le temps pour y jouer, autant pas commencer parce que t'es frustré après quoi. Donc du coup, je suis un peu passé à côté des AAA de cette année. Et donc Live Alive, c'est un jeu déjà qui coûte pas cher. Et en fait, il a eu la malchance de tomber entre deux inconnus de la Super Nintendo à l'époque. C'était Final Fantasy VI et Chrono Trigger. Ouais. Donc du coup, bon, il est un peu passé inaperçu. En fait, c'est 9 histoires avec 9 personnages à différentes époques. Et c'est le 2.5D de chez Square. C'est un jeu qui est pas à 70 balles comme Elden Ring. Donc c'est un jeu qui coûte une trentaine d'euros, qui est vraiment sympa. On passe un bon moment. Et puis on peut poser la console quand on en a marre. Ouais, et ouais. Puis voilà, c'était mon jeu de l'année parce que j'ai pas vu grand chose sur Nintendo cette année qui était fantastique. Et pourtant il y en a eu des sorties. Ouais, aussi il y avait un jeu que je te laisserai citer dans ton jeu de l'année, donc je vais pas te le voler. Mon jeu de l'année qui serait Return to Monkey Island, qui est sorti sur Switch aussi. Exactement. Bah oui, bah forcément. Je sais pas, j'hésitais entre Lego Star Wars parce que j'ai pas joué à beaucoup de trucs non plus. Je trouve qu'il y a pas eu des sorties. Ouais, c'était pas fou hein. De moi, des trucs que j'aime, il y a pas eu des sorties incroyables. J'ai pas joué à Elden Ring, j'ai pas joué à God of War. Donc ça nous élimine déjà deux poids lourds. T'aimes bien les jeux vidéo? Ouais, mais j'aime pas ces jeux-là. Non, God of War, je pense que je pourrais apprécier, mais j'ai jamais fait la licence, donc je vais pas commencer avec Ragnarok. Ouais, tout à fait, bien sûr. Ah ouais, c'est un... Attends, pardon. Ah, t'as pas de son. Même pas God of War 1, genre, enfin le tout début, c'est ouf en plus. Aussi, le premier, j'ai joué à l'époque, mais les deux j'ai aucun souvenir. Ouais, donc ouais, non, Monkey Island. Jay, il aime bien. Retour to Monkey Island, le retour de ma série préférée de tous les temps. Bon bah forcément. Je ne pouvais pas passer à côté, même si j'ai mis du temps à la faire. Mais sinon, moi, c'est tout. En fait, mes jeux de l'année, c'est un peu les sorties PS4, PS5 qui sont enfin arrivées sur PC. Donc j'ai enfin. Ça fera plus jouer quoi. Bah ouais, il y a certains, tu vois, il y a Spider-Man qui est sorti enfin. Il y a plein de jeux qui sont sortis. Moi, début d'année, j'ai fait Horizon Zero Dawn. J'avais un an de retard parce qu'il était sorti sur PC l'année dernière. Bah, oui. J'ai trouvé incroyable. Et du coup, j'ai la grosse frustration parce que Forbidden West, il n'est pas sur PC. Donc je vais devoir attendre Forbidden West qui sort sur PC, parce qu'il est hors de question que je m'achète une console pour jouer à ça. Mais ouais, pour revenir sur le jeu d'année, parce que moi j'en ai pas parlé, vous en avez tous parlé, mais j'ai juste évoqué le nom de Dragonflight. Pour moi, Dragonflight, c'est le souffle qu'on attendait depuis longtemps. Parce que le souffle du dragon. Le souffle du dragon qu'on attendait depuis longtemps. Le vent de fraîcheur posé sur ton dragon qui te fouette le visage. Mais non, je vais pas m'épancher là-dessus, mais en gros, ils ont vraiment enlevé tout le côté chiant du t'es obligé d'aller jouer. C'était limite ton deuxième taf. Et aujourd'hui, non, ils ont vraiment simplifié les choses en mode t'as envie, tu fais pas, mais tu seras récompensé quand même sur d'autres moyens, tu peux récupérer des trucs. Là, ils vont ajouter le comptoir, ils vont rajouter des trucs dans les mises à jour. Ça fait du bien. J'ai jamais arrêté vraiment de jouer à WoW depuis le début, mais là, ça fait vraiment du bien. C'est l'extension qui fait respirer un peu. L'extension de la maturité. Ouais, l'extension de la maturité. Voilà. De toute façon, c'est les trois points. Ah, le commentaire pour le jeu de l'année. Et pour ceux qui apprécient Shredder Revenge, on salue quand même Juju Splinter qui sera peut-être avec c'est nous. C'est son anniversaire d'ailleurs aujourd'hui. D'accord, c'est son anniversaire. Juju ne regarde pas du tard, mais on fait la bise. Oui, voilà. Et donc, vu son nom, Juju Splinter, je suppose qu'il a dû aimer également Shredder Revenge. Qui était un très bon jeu aussi, qui faisait partie de. Apparemment, ça fait l'unanimité dans le chat. Exactement. Elden Ring mérité pour Jamet. Floris qui dit peut-être pas le GOTY pour Dragonflight, mais je valide sur la qualité. Un vrai renouveau pour un jeu qu'on disait soufflé. Pour moi, Tour, je dis c'est Shredder's Revenge. Ça fait turbo vieux con de dire ça, mais non, tu as raison. Et c'est le seul que j'ai acheté, dont j'ai acheté la BO, ouais, parce que la BO est bien aussi. Je sais déjà que sur 2023, je serai sur Hades 2. J'ai tellement hâte, oui, dit Floralis, évidemment. Moi, je sais que quand il va sortir, ça sera ma chronique, je pense, parce que Hades 2, ça va être fou. Le Spunk, Shredder's Revenge aussi. The Callisto Protocol, j'ai bien aimé aussi. Et puis, Yako, tu joues avec une équipe de choc, dit Spunk. Raptor, salut Raptor, merci de passer sur le chat. Voilà, donc les jeux de l'année, on a fait le petit tour. On a 15 minutes de retard, donc on va passer très rapidement. Je voulais parler aussi des jeux qui arrivent l'année prochaine. Il y a Zelda, Tears of Kingdom, il y a aussi Hogwarts Legacy, Hades 2, Starfield, voilà, plein de titres. énormes qui vont arriver. On en parlera évidemment durant toute l'année. Mais pour l'instant, on va passer, si j'arrive à retrouver le potard, il est là, sur la nouvelle chronique. On va repartir dans le passé avec Café 80. Et dans un quart d'heure, ce sera le moment des gros beats. Alors préparez-vous à sortir le chéquier. Vous, préparez-vous, révisez bien. Parce qu'il va y avoir plein de questions. Vous allez voir. Attends, c'est des QCM au fait. Tu verras ça tout à l'heure. Oui. Parce qu'on a encore des chiffres. L'actu du rétro gaming avec GameTrip.net. Par contre, vos gosses vont adorer ça. Alors, on parle rétro maintenant. On parle rétro parce que bah, du coup, hein, forcément, avant, on parlait rétro pendant toute l'émission. Mais maintenant, c'est plus possible parce que maintenant, on est des grands. Alors, on parle de tout le jeu vidéo. Quelques news qui ont popé ces derniers jours dans le monde du rétro gaming. On commence par des anciennes licences qui reviennent dans l'actu, notamment Sam & Max The Devil's Playhouse. Ah. Alors c'est pas un jeu rétro vraiment parce que c'est un jeu Telltale qui avait fait Telltale avait fait revivre ouais, en 2012 un truc genre. Ouais, en épisodique, c'est ça ouais. Ils avaient fait, en fait c'est la troisième saison de Save the World qui était ceux qu'ils avaient. C'était pas ouf personnellement mais. Qui ouais bah oui c'est toujours un peu. Ils avaient fait aussi Retour à le futur. Ils ouais c'est ouais. ça. Avait... Retour à le futur c'était pas mal mais. C'était... Batman ils avaient fait aussi ouais. après. Moi j'aimais moins les systèmes d'épisodes bah bref. Ouais ouais pareil. Bah, déjà sur le principe de ouais, ouais. tout couper en 6 comme ça bon voilà. Le remaster est donc prévu en 2023 sur console. Une vidéo sympathique, on voit pas grand chose qui est apparu mais on sait du coup que c'est Scum Ape Game qui fait ça, c'est ceux qui ont fait les remasters des deux derniers. Donc voilà, c'est une petite licence qui va revenir et moi je suis content parce que moi bon, ça met max, voilà. Hein. Autre licence mythique qui revient, System Shock. Ah ouais. Le remake est enfin là, 7 ans après son annonce. Night Dive profite des vœux pour officialiser mars 2023 avec quelques vidéos et des images. Et en plus, ils s'auto-trollent dedans parce que du coup, ça fait 7 ans qu'ils annoncent, qu'ils... Et donc, ils ont fait une communication en disant « Comme certains d'entre vous l'ont déjà souligné, ce n'est pas la première fois que nous annonçons une fenêtre de lancement provisoire. » mais au cours des dernières années, beaucoup de choses ont changé, blabla, la portée, l'échelle du jeu, du projet, tout ça, l'arrivée de Prime Matter qui est venu éditer tout ça. Donc au final, c'est censé arriver prochainement. System Shock, plusieurs fois annoncé, repoussé. On espère que ce sera un bon remake et non un remaster ou un portage fainéant parce que ce studio, donc Night Dive, avait fait par exemple cette année Blade Runner Enhanced Edition que j'avais testé et qui était claqué au sol. C'est-à-dire que c'est vraiment, ils avaient pris le jeu, ils l'avaient upscale 16:9, ils avaient mis un truc autour noir pour faire genre on a changé, et puis fini. Là, ils ont dit, cette fois, ils ont dit, non les gars, c'est un vrai remake cette fois. C'est vrai. Voilà, c'est un vrai remake, c'est pas la même chose. C'est vrai parce que bon, c'était ce qui était arrivé avant Bioshock, donc ça a annoncé Bioshock, je crois bien System Shock, et donc du coup, bah, pour ceux qui ont bien aimé Bioshock, System Shock, apparemment l'histoire était assez sympa. Ouais. Mais maintenant, c'est vrai que c'est un peu, même pour moi, c'est daté. C'est daté. Donc un bon remake, ça peut être sympa pour découvrir un univers qu'on n'a pas l'habitude de voir. Quoi. On a vu des premières images, là, des premières vidéos, c'est sous Unreal Engine 5. Ouais, donc ça peut avoir un bon résultat. Surtout bon, vu qu'il n'y a plus de Bioshock, c'est l'occasion d'avoir quelque chose de la même. Après, de source assez sûre, l'histoire de Bioshock est plutôt à chier, non? elle est moins bonne que... C'était gratuit. Si tu faisais pas 4 mètres de haut, je t'aurais goumé, mais... Je pense qu'elle est moins bonne que The Last of Us. Alors, on va demander aux gens du chat, c'est la meilleure de tous les qui ans. Veut venir avec moi pour éclater la tronche du type de chez Millennium. Donc, vous venez. Ben... Tête là, arrête ta tête là. Mais surtout que tu me ramènes après, donc. on va tempérer ça. Restons calmes. Non, mais c'est parce que j'ai besoin de toi pour pousser la voiture. Une autre info rétro qui est apparue à Noël, c'est Rayman 4 qui a refait surface grâce à la magie d'internet et la magie de Noël, évidemment. Le 24 décembre, un utilisateur a annoncé un leak de Rayman 4, jeu envisagé, mais jamais sorti. Il a même dévoilé plusieurs images, on voit des décors, on voit Rayman en 3D proche du graphique de Rayman 3 à peu près. Mm-hmm. On peut aussi le voir utiliser des montures comme une énorme araignée. On voit aussi un niveau qui s'appelle Sphincter Cell. Ah. Référence à une autre licence bien connue d'Ubisoft, hein, évidemment Prince of Persia. Licence française. Projet pas si vieux, puisque des refs aussi au Lapin Crétin dedans. Tout le code source a été leaké. Tout est vraiment dans son jus et bien vieux. C'est sans doute sur cette base qu'a été créé Rayman contre les Lapins Crétins en 2006. Donc voilà, c'est assez marrant. Donc si vous avez l'occasion d'aller checker ça sur les réseaux de type internet comme Twitter, vous verrez. ARPANET. Après Rayman 4, c'est comme Half-Life 3, Starlesian, ça n'arrivera jamais. C'est comme du Knuckles. Comment ils appellent ça? Le Vaporware. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Voilà, je pense qu'on le verra pas, on le verra jamais. Petite info aussi qui va faire plaisir à notre cher Jack. Ah. Comme d'hab, un jeu du grenier qui vaut cher. Scott Amos, rien à voir avec la bière. En fouillant dans un vieux carton de son grenier, cet Américain retrouve un exemplaire du jeu de plateforme Kid Icarus. Ah ouais, classe. Sorti en 86. Ni une ni deux, Scott envoie sa trouvaille à Wata Games, une société qui évalue l'état d'un jeu et lui attribue une note. Oui, les grades, ouais. Voilà, et cette note est déterminée en fonction donc, de l'état. De l'état, des critères de l'usure, la rareté, tout ça. Et en fait, il lui donne la meilleure note, en gros. Ça valait une petite fortune. Elle était encore en son emballage d'origine, obtenant ainsi la note de A. Un véritable trésor vendu aux enchères pour pas moins de 9000 dollars. Bon, c'est encore honnête. Hein. Ça va, hein, comment la boîte et le blister n'ont pas vieilli? Parce qu'il n'y avait pas de blister aux États-Unis déjà, je crois bien. Hein. Les blisters, c'était un truc très européen. Hein. D'accord. Donc aux États-Unis, je crois qu'on a les petits trucs que ça a pris. Un tout petit bout, je sais pas, du mini. Enfin, c'est où, quoi, tu sais pas où il était. Ma PS qui est derrière là, elle est restée dans une cave. Ouais, elle est cachée derrière là. Elle est restée, c'est la première PlayStation, elle est restée dans la cave chez mes parents avec les flottes. Il y a eu des inondations, des machins et tout. Elle était dans cette cave ici avec les inondations et tout. Elle a pris. Ça fait genre 15 ans qu'elle était dans le truc. J'ai sorti, elle est nickel. Le tout marche très bien, la lentille est pas morte et tout, donc tu vois, tu peux. Non, mais les boîtes, c'est compliqué avec l'humidité, mais là, c'est un grenier. Peut-être grenier bien sec. Ouais. Si le mec, il est texan, t'es tranquille, quoi. Oui, c'est sûr. Donc voilà, encore une fois, du pognon. 9000, c'est pas énorme. Ouais, c'est pas mal non, quand même. C'est pas excessif. Tu trouves une merde dans ton grenier, tu la revends 9000 euros, c'est pas mal. Parce ce qui est rigolo, c'est. Pas mal, mais par rapport au prix. Par rapport à Retro Gaming et au prix qui peuvent exploser, oui, on est d'accord. Moi, j'aime bien cette expression qui dit que le déchet de quelqu'un, c'est le trésor d'un autre. Parce que quand tu vois les grosses valeurs, c'est toujours des trucs que t'as retrouvé au fond de bac à solde de fin des 90. Ouais. Et maintenant, ça vaut des fortunes parce que c'est neuf. Et c'est neuf, c'est triste parce que les gens n'y ont jamais joué pour le peu d'intérêt qu'ils en ont. Mm. Et donc, en fait, si vous voulez faire du pognon, et ben, en fait, faut pas avoir d'intérêt pour le jeu vidéo. C'est un peu triste, mais exactement. C'est comme ça. C'est la morale de cette histoire. Bonne soirée. Triste affaire encore, c'est pas la première fois, ça fait plusieurs studios qui ont déjà fait pareil. C'est Capcom qui a mis fin au remake, encore des remakes de Resident Evil Code Veronica et Resident Evil 1, réalisés par des fans. Ils devaient sortir en 2024, ils verront pas le jour, il y a eu des démos de ces remakes, et en fait, Capcom a dit non, droit propriété intellectuelle, machin. Ouais, mais il y a mieux. Sur quel jeu ? Allez crever. Code Veronica et Re 1. Ah oui, d'accord. Ah, mais il y a le remaster de Alone in the Dark. Oui, ah mais ouais. C'est pas fait. C'est annoncé, ça. Ouais. Parce que c'est juste avant Resident Evil, finalement. Bah, c'est le créateur du Survival Horror, comme vous pouvez le lire dans le dossier sur Game Trip. Tout à fait. Pas selon les auteurs de Resident Evil, mais normalement, oui, c'est comme Alone in the Dark qui était les premiers. Oui. Ouais. Le mec de Resident Evil, on dit nanana, c'est nous. Non, mais c'est pas. Franchement, ce remaster-là, il y a moyen que ça soit trop bien. Alone in the Dark ? Mais on est toujours sur le même sujet de est-ce que les gens qui sont meilleurs que les studios ont le droit de faire des jeux ? Certains acceptent, hein, comme Sega quand ils ont fait le Sonic, je sais plus Sonic quoi, Mania, qui a été officialisé. Il y a quand même, comment ils s'appellent là, les gars de chez Pokémon, aidez-moi, je sais plus. Game Freak. Game Freak, merci, qui ont toléré pendant des années et des années des versions de Pokémon comme Pokémon. Comment c'était le truc Uranium, je crois. Et qui, du jour au lendemain, ils ont dit « Ah ben non, allez, c'est nos sous. » Dès que ça marche. Dès que ça devait être trop bon. C'est bon. Là, le problème, c'est que les remakes que les deux gars étaient en train de faire, là, c'était des remakes où tu avais un nouvel inventaire, avec de l'esquive, un nouvel inventaire, tu avais un système de lampe de poche, machin. Ils avaient tout refait sous Unreal Engine 5 et tout. Tu vois, c'était un truc magnifique. En fait, c'était surtout pour se faire connaître, donc ils s'en foutent un peu, les gars. Mais à mon avis, ils ont fait « Ouais, mais nous, on est en train de faire des remakes qui sont un peu moins bons. » Arrêtez, les gars. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais. Ouais. Faites mieux, les gars. Mais comme ils font pas mieux, ils disent « On va les enlever, parce que sinon, le nôtre, on va pas le vendre, parce que le vôtre, il est meilleur. Ouais. » Faites mieux dans ce cas. Et après, laissez les autres faire leur vitrine. Je suis pas l'anti ou le pro de la propriété intellectuelle, mais je pense pas que... faire un remake d'un jeu, c'est pas vraiment du vol. Pour moi, c'est. Alors, je vais peut-être me faire. Ouais, voilà, je vais peut-être même me faire un peu taper sur le doigt par certains, mais à l'époque de Emule, Piratage et compagnie, il y avait beaucoup de gens qui disaient que c'était du vol. Moi, je pense pas que c'était du vol, c'était de la pub gratos en fait. Hein. Ouais, c'est très limite. Non, je vais t'expliquer pourquoi et je terminerai là-dessus. Ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Mais si je te donne 5 euros, j'ai plus 5 euros. D'accord. Ouais. Ok. Jusque-là, c'est mais si je te montre à quoi ça ressemble quelque chose qui va te faire gagner 5 euros, je te l'apprends, moi j'ai toujours 5 euros et toi t'as toujours 5 euros. Donc si je t'apprends quelque chose, ce savoir-là, moi je l'ai et toi tu l'as aussi. Et les mecs qui font de la musique, alors pas pour les films par contre, pour les films c'est plus compliqué, mais pour la musique par exemple, télécharger le CD, ok, t'as pas payé le CD, mais si t'es vraiment bon, tu vas aller au concert et tu vas les suivre et tu vas quand même dépenser de l'argent pour le groupe. C'est un peu de la pub. Le principe, c'est tu dis, j'ai déjà entendu cet argument, j'ai déjà dit aussi, c'est que. Si tu pirates un jeu et qu'il te plaît, tu vas en parler. Et oui. Mais moi, c'est même mieux que ça. Moi, j'ai toujours dit si demande tu pirates un jeu et qu'il te plaît. Envoyer un lien pour le pirater à tes potes. Non, mais oui. Surtout, moi, je considère que si tu pirates un jeu et qu'il te plaît, bien sûr. Il y a une forte chance quand même que tu l'achètes quand même derrière. Ça s'appelle Minecraft. Parce que tu veux avoir le vrai. s'appelle Minecraft. Minecraft, ils ont fait ça. C'est un des jeux qui a été le plus joué au début qu'il est sorti. Il était facilement craquable. Et à la fin, énormément de gens l'ont acheté. Alors, pas tous, mais énormément de gens l'ont acheté. Et aujourd'hui, c'est le colosse qu'on a vu. Ça vaut 20 balles. Pirater un jeu à 20 balles, je dis pas que Mais 20 balles fois je sais pas combien de millions. Bien sûr, oui, non, mais bien sûr. Mais pirater un jeu solo à 70 balles. Ça a plus de sens pour moi que le pirater. Après, un jeu je vais terminer la parenthèse là-dessus. En vrai, c'est pas qu'il faut le faire. Je suis d'accord avec JV. Demain, tu prends un jeu qui te plaît vraiment. Nous, en tout cas, on est dans cette trempe-là, je dirais. Tu découvres un jeu piraté, tu vas avoir envie d'avoir la boîte dans mais ta jamais bibliothèque. Jamais de la vie. Mais il n'y a plus de boîte. Pas nous. Ça n'existe plus. Nous, oui. Mais non, pas, ce que je dis. Pas les gens. Mais voilà. De la vie. Mais si c'est encore une fois, si c'est un jeu solo que tu as fini les 10-15 heures qu'il faut pour. Ouais, tu le rachètes pas derrière. Jamais de la vie, tu l'achètes en fait. La preuve que si, sur tu la boîte, j'ai jamais piraté des jeux. Collection. Mais si jamais un jour j'avais piraté des jeux et qu'ils me plaisaient, et ben je les aurais achetés pour de vrai derrière parce qu'ils me plaisaient. Ouais, mais c'est quoi le pourcentage de gens qui. Non. Mais on peut parler un peu de la même chose sur la musique. Alors dans ce cas, combien de CD t'as acheté? Elle est où ta pile de CD? Oh bah franchement. Ah bah oui, moi j'en ai aussi beaucoup des CD. Ouais, bah bon, ça profite toujours au gros. Après, j'ai pu acheter le CD, mais c'est parce qu'il y a eu Spotify. Ouais, ouais. Et là, ça va être pareil avec les gens. De toute façon, ils vont plus pirater. Ils piratent plus les gens puisqu'ils ont le pass et machin. Non, moi, je pirate plus, tu vois, je pirate. Puis après, je vais sur Epic et ils les offrent à Noël. Donc, ouais, ça, comme faux, ça, je dis. C'est vrai que moi, 80% de ma collection, c'est les gifts du mercredi là. ou les mercredis. Il y avait des bons trucs. Ouais. On est très très en retard. 25 minutes de retard, on est bon. Ouais. Oui, on devrait terminer. Bon, de toute façon, la dernière chronique arrive dans 2 secondes. Juste, je parle vite fait du remake de FF9 aussi qui pourrait arriver prochainement. Square Enix a teasé une grosse annonce pour le studio en 2023, mais précise que ce ne sera pas lié à FF7. Le développement de FF7 Rebirth, qui est la suite de FF7 Remake, arrivera cet hiver et ça avance bien. Mais des leaks font penser que FF9 pourrait arriver aussi très prochainement, ou alors une remasterisation de FF Tactics. Voilà, oh, excellent jeu d'ailleurs. Voilà. Mais FF9 est déjà ressorti sur Switch, ils ont revu une version plus ou moins améliorée. Bah là, c'est un remake de 2023 apparemment. Bon, après, ils sont en train de tout remake. Ils refont tout quoi. Ouais, parce que les remakes que là, comme le FF7 et 8 sur Switch, c'était des. Ils ont mis un nouveau truc 3D quoi. Ouais, c'est le 2D 3D. Ils ont amélioré un petit peu la 3D FX de l'époque quoi. Okay. Donc voilà, donc ça arrivera sans doute en 2023. Bon, vous l'attendez tous, c'est le retour des gros bits et on va jouer tous ensemble. Vous êtes encore nombreux dans le chat. Oui, c'est bon, on pourra jouer tous ensemble. Skidro, si tu nous regardes jamais, t'en es d'accord. Tu connais Skidro quand même. Bah, tout le monde connaît Skidro, évidemment. Je ne tolère pas ce que tu viens d'écrire dans le chat. D'ailleurs, les modos, bannez-le. Ah merde, il est modérateur. Il y a peut-être Razor 1911 aussi dans le coin. Oh, ça suffit. On passe aux gros bits et on va jouer tous ensemble. Les chroniqueurs s'affrontent dans les gros bits. Vous pouvez répéter la question? Les gros bits. Excellente réponse. Et voilà, le premier rire. Le premier rire de la saison, l'attendais. C'est une gros bite. Retour du jeu qui vous plaisait très fort dans cette émission. Les gros bits, c'est comme les grosses têtes mais avec des petits bits. Le concept est simple, une série de questions, chacun son tour, un point si vous trouvez. Cette fois attention, tous les bros jouent pour eux, il n'y a pas d'équipe, c'est une battle royale jusqu'à la fin de la saison. Ok, je prends Jérémy alors. Pour définir qui devra payer son taco, on sait pas encore. Hein. Choisissez dans le chat où est-ce qu'on va manger. Salade, tomate, oignon. Choisissez dans le chat. Chaque édition aura une thématique comme toujours. Cette semaine, on part sur les festivités de Noël. 3 questions pour vous 3. À la fin, il y aura une question bonus subsidiaire pour Madame L'Envie de Béziers. Ah. J'en ai écrit une quinzaine pour toi, Jay. C'est vraiment pour toi. Il y en a une quinzaine. Celle-là, elle est connue. Celle-là, elle est connue. Non, mais oui. Elle est bien, elle est je voulais bien. Commencer par Belle Père de Loche. C'est la reprise, c'est la reprise. Voilà. Il faut c'est la reprise, mais il y en a vraiment 15 qui arrivent qui sont vraiment des trucs. C'est les fondamentaux. Première question, ça va être pour qui? Pour Jay, allez. On le sait, au réveillon, il y a eu forcément des Let's Sing et d'autres Sing Stars qui ont été sortis pour beugler comme des cochons devant sa télé. La question est simple, lequel de ces jeux de karaoké n'existe pas? Let's Sing Country, avec des chansons pour les fans de banjo, de Santiago et de Phil Cannon sur WKD. Ho, ho, ho, ho, ho. Singstar Turkish Party avec des vrais morceaux de musique byzantine et un maître kebabi avec des lunettes de soleil et le poil sur le torse sur la pochette. Let's Sing Meet Daichen Hits avec de la saucisse de Francfort et des tubes germaniques pour le public susnommé. Ou Singstar édition 2016 alias Il faut dissocier l'artiste de son œuvre avec une playlist comprenant Aurel San, Jean-Luc Lahaye, R. Kelly et Noir Désir. Ah, c'est quand même chaud. Hein. Donc il y en a un seul qui n'existe pas, c'est ça? Il y en a un seul qui n'existe pas. C'est ça qui. Ouais, bah je sais pas, je l'ai pas. C'est Jay. Je sais. C'est Jay qui joue, hein. Attention. Moi je pense que je l'ai. Redis-moi le dernier du coup. Singstar édition 2016, alias Il faut dissocier l'artiste de son œuvre avec une playlist comprenant des. Pour répondre sur le chat, hein, il voit pas. Ah ouais, non, je vois pas. Ah ouais, je regarde pas en tout cas. On regarde pas le chat. Moi je le vois pas. Je suis sûr que le truc Country, ça existe. Enfin, ça m'étonnerait que ça n'existe pas. Le truc turc, ça me choquerait pas. Je vais dire que le truc allemand, ça n'existe pas. Mit Deutschen Hit. Ouais. Et non, c'était Let's Sing Country existe, Sing Star Turkish Party existe, Let's Sing Meet Deutschens It existe. C'est en fait le Let's Sing français comme on a chez nous. Ah, mais ouais, je pense, ok. Et le Sing Star édition 2016 n'existe pas parce que Sing Star s'est arrêté en 2004 ou un truc comme ça. Et après, c'est devenu Let's Sing. Donc voilà. Bon, Une Noire Désir en 2016, là. C'était. Une Noire Désir en 2016, évidemment. Ouais, mais tu veux du revival. Mais voilà. Ça marcherait toujours. Ça aurait été rigolo quand même. Si tu me fais un Sing Star avec. T'es de la variété 80, on serait tous contents. T'as regardé les actualités récemment sur Noire Désir? Et R. Kelly et Jean-Luc Lahaye et Orelsan. Non. Non, mais Orelsan, évidemment, j'adore Orelsan, je dis ça parce qu'il s'était pris un procès comme tous les autres. Deuxième question pour Jack, ça fait 0 point pour Jay. Deuxième question pour Jack, lequel de ces jeux avec un Père Noël a vraiment existé cette fois? Call of Xmas en 2004 sur Xbox, un FPS dérivé de Call of Juarez dans le désert où vous incarnez un Père Noël muni d'un fouet dans un environnement de western apocalyptique recouvert de neige. Santaz avec un Z majuscule, un survival où vous vous réveillez au pôle Nord sans fringues ni nourriture et vous devez survivre en construisant un abri en sucre d'orge ou en mangeant des rennes. Days Before Christmas en 94 sur SNES, un platformer où vous contrôlez Papa Noël qui doit libérer ses amis et récupérer des cadeaux volés le soir du 24. Ou Kill the Nazi Santa Claus, un Doom-like en 99 sur PC où le Père Noël a été attrapé par les SS et vous devez tuer ses lutins en balançant des boules de neige enflammées pour arriver jusqu'au boss. Bon, je suis quand même assez fier d'en connaître un sur quatre. Death Before Christmas, je sais qu'il existe sur Super NES, qui est d'ailleurs un des jeux les plus fiers du support. Il y en a qu'un seul qui a vraiment existé dans cette liste. Ah, je crois que c'était... Bah, c'est bon alors, c'est Death Before Christmas. Death Before Christmas. Ouais, il est très très cher d'ailleurs. Il est sorti, pour ceux que ça intéresse, pour les collectionneurs, il est sorti en PAL sur Mega Drive et sur Super NES. On le trouve en Australie. Et je crois que c'est un des jeux les plus rares de ce support, donc il est assez cher. Et on joue Papa Noël. J'ai mon point quand même, oui. Un point pour Jack. J'ai la pression. Pour Yako. Vous aviez trouvé dans le chat? Non, personne n'a trouvé. Je connais toutes les réponses. Bah oui, je t'en ai parlé hier. Troisième question pour Yako. Lequel de ces événements s'est déroulé quelques heures après un nouvel an? Le célèbre jeu GTA 2 est sorti sur Dreamcast en 2000. Le célèbre studio Ubisoft a été officiellement fondé en 86. Le célèbre créateur de id Software, John Romero, est né en 67. Le célèbre truc chelou Santa Rockstar vs Aliens est sorti sur Android en 2014. Un seul de ces trucs est arrivé. Putain, c'est chaud. Juste après. Pourquoi je me donne des questions faciles comme à lui là? Oh bah tu l'as. Attends. C'est quoi le premier t'as dit? C'était GTA sur GTA Dreamcast. GTA 2, Ubisoft, John Romero ou Santa Rockstar versus Aliens. Et pendant ce temps. Je dirais la naissance de John Romero. Le sosie officiel de Jack. Non, c'est Santa Rockstar versus Aliens. Putain. Qui est sorti et non, qui existe vraiment. Je l'avais pas. Tu l'avais toi? Non, du tout, moi j'aurais dit Ubisoft. Dernière question. Parce que Ubisoft c'était pas un truc genre Infogrames, je sais pas quoi, il y a pas un truc comme ça. Non, c'est deux trucs différents. Infogrames c'est Atari. Ah oui, c'est un bâton pour moi. Dernière question par Madame L'Envie de Béziers, du coup. Attention, c'est une question de rapidité cette fois. Deux points à gagner, évidemment. Ah. Toujours pareil, les fins d'émission. On est encore dans la course. Deux points à gagner. Vous pouvez participer dans le chat, évidemment. De toute façon, attends, jusqu'à la fin de l'année, il y aura une question à 48 points. À la fin de l'année, il y aura rattrapé 200 000 points, bien sûr. On va parler des lutins du Père Noël, du coup. Et donc, qui est le lutin le plus connu du jeu vidéo, hein? On le sait. C'est Troll. Link, bien sûr. Ah, le lutin. Donc, question sur Zelda. Dans Twilight Princess sur GameCube, et Wii en 2006, vous pouvez déstabiliser Ganondorf lors du combat final grâce à un mouvement incongru que vous pouvez faire avec votre personnage. Lequel est-ce? Il donne un coup de fesse. Ouais, j'allais dire, c'est pas un dash avec son cul? Non, mais on n'est pas loin. Montrez ses fesses. Non. Vous devez lui montrer quelque chose. Un dash avec la tête. Non. Vous devez lui montrer quelque chose, en effet. Le masque de Majora. Non. Alors, attends. Twilight Princess. Ouais, vous pouvez poser des donc questions. C'est le premier sur Wii, Twilight Princess. Qu'est-ce qu'on doit lui montrer? Ouais, c'était le dernier sur GameCube, c'est ça, ouais. On doit lui faire un doigt d'honneur. Non, c'est quelque chose dans l'inventaire. Faut lui montrer un miroir. Faut lui montrer son miroir. Ça pouvait être marrant, ça. Ouais, ça faut lui montrer une fée? Non. Attends. Faut lui balancer une potion. Il y avait quoi comme item dans Twilight? Non. Faut sortir quelque chose de son inventaire, un item. Est-ce que c'est un item qu'on a trouvé dans des jeux avant Twilight Princess? Alors je connais pas assez Zelda, mais oui, il me semble qu'on l'a déjà vu dans d'autres jeux. C'est un item qui est plus lié au côté RPG du jeu. Une carte? Non. Une boussole? Non. Non, tu peux pas me montrer la boussole. Oui, bah, oui, bah j'essaye. Je... Oui, bah c'est bon, on est en train de chercher. Une pelle. Il montre un ocarina. Non, on est sur du truc qui est lié à du. Pas du craft, mais en tout cas du. Une hache. Du loot. La non. pelle. L'arc. Non. Ah, une fourchette. Non. Un pic à brochette parce que c'est un gros. Un pas loin. Lance. Ah, un truc flèche. De bouffe peut-être. Un truc lié à de la bouffe en effet. Ouais, mec, une brochette, ouais, effectivement, c'était pas ah ouais, donc, un bon, poulet rôti. Non. Non, non, c'est pas de la bouffe. Une poule. C'est pas de la bouffe en soi. Ah, parce que tu non, non, c'est quelque chose pour aller chercher de la bouffe. Ou une pour canne à pêche. Une canne à pêche. Allez, c'est qui le boss? Tiens, deux points pour Yako. C'est quoi le rapport entre canne à pêche? J'en ai aucune idée. Si vous savez, bah dites-le dans les commentaires. Genre, tu sors la canne à pêche et les stuns. Ouais. Non, parce que ça se trouve, regarde, vu qu'il est un peu épais, Ganon, il aime peut-être bien pêcher. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout reste, tu vois, obscur comme ça avec ces jeux-là. D'ailleurs, toi qui aimes bien les anecdotes rigolotes des années 80, il y a un Did You Know Gaming qui est en procès actuellement avec Nintendo parce qu'il a balancé des informations qui étaient dans un livre japonais sur les secrets de Zelda, d'un Zelda qui n'était jamais sorti. Voilà. Ah. Et donc, peut-être qu'on aurait eu ce secret-là dans ce livre japonais. Il y a plein de secrets. J'en ai lu plein justement sur la série Zelda hier pour trouver cette question. Et il y a plein de trucs très marrants. Ouais, c'est très riche, hein. Au niveau c'est des, très riche en conneries. Ouais, notamment en conneries, c'est ça, dans Majora's Mask, il y a par exemple il y a des caméos de Star Fox dans les masques. Enfin, il y a plein de petits trucs. Il y a un masque qui devait faire grandir, mais qui n'était jamais jusqu'en développement. Mais il existe encore. Donc du coup, ça fait bugger certains un niveaux. Un peu comme voilà. en tout cas, voilà, bah c'est cool. Hein. Du coup, ça fait déjà un petit classement de 2 points pour Yako, 1 point pour Jack, 0 point pour G. Force dans le chat, DF hein, dans le chat pour G évidemment qui devra. F pour respect plutôt. F pour respect. Ouais. Pour G qui va devoir nous payer à bouffer. Alors on nous a proposé un petit Libanais. Ouais, pourquoi pas. Allez, un petit shawarma là. Un petit shawarma exactement. Donc. Ok. On verra ça à la fin de la saison. En tout cas, remerciements à vous tous. Dans le chat, vous étiez plus d'une quinzaine en direct tout à l'heure. Vous êtes encore 9 là. C'est beaucoup plus qu'on faisait avant. Et pour une reprise, c'est exceptionnel pour nous. Parce qu'on pensait pas avoir autant de monde. Ouais, c'est incroyable. C'est vrai. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous reviendrez dans 2 semaines. Abonnez-vous, activez la cloche, tout ça. Rendez-vous le dimanche 22 à 11h sur twitch.tv/jvejv. Pour nous suivre. On se retrouve très vite pour la VOD sur la chaîne JV sur YouTube et vous pourrez télécharger l'intégrale très vite du podcast sur toutes les plateformes de diffusion. En attendant, meilleurs vœux de nouveau à tout le monde pour la nouvelle année. Bonne anniversaire à Juju. Et moi, je fais un bisou à la team du téléphone. Ils se reconnaîtront. La team Yako. Les enfants et les garçons. La team du bassin mouillé. Exactement. À la team de la Mauceleste, là, les gars, ils parlent comme ça là-bas. Merci aux 4 personnes qui viennent de faire un abo pendant l'émission. Merci au chat d'avoir participé. Merci à vous, le Spunk, Floralis, Jamet, Tourche, j'en oublie son nom. Le Spunk, le plus grand fan. Était là aussi. Merci à tous, c'était vraiment sympa. Je reviendrai, dit le Spunk. Merci à toi. Bah, nous aussi. Merci de nous avoir écoutés. Merci aux chroniqueurs pour ce début de 4e saison. J'espère qu'on va faire une très longue et très fastueuse saison et qu'on va bien bouffer à la fin. Et on vous dit donc à dans 2 semaines. Bisous à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Super Radio Broth.